Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la rubrique Geek, l'émission Geek pendant le confinement, puisqu'on a décidé pendant cette période un petit peu délicate de se retrouver le plus régulièrement possible pour faire plein de petits rounds et vous présenter ce que nous avons modestement appelé nos Corona Geekeries. À chaque émission, nous avons bien évidemment des invités et avant de vous les présenter, je préfère tout de suite vous présenter ceux qui sont à chaque fois à mes côtés. Bien sûr, nous avons Spider-Matt. Bonsoir Spider-Matt. Bonsoir. Comment vas-tu mon Spider-Matt ? Très bien. Eh ben, merci. Tant mieux, ça me fait bien plaisir. Et nous avons également l'homme qu'on appelait jadis Dramoun, mais qui est devenu Dramout suite à un live célèbre. Comment vas-tu mon Dramout ? Bah bien, tranquillou. Eh ben, ça fait bien plaisir. Et donc, comme je vous le disais, un bon live se doit d'avoir de bons invités. Et ce soir, on en a des excellents, des magnifiques, mais très vieux. Donc, on va devoir en prendre soin. Voilà, ça commence, c'est parti. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Florent Bulle de la chaîne Pistolet à Bulle, de plein de choses, finalement, Florent. Oui, retraité, et j'ai pas pris ma pilule, je sais pas si je vais durer. Comment ça va, Flo ? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis très, très, très heureux d'être parmi vous ce soir. En tant que rescapé du coronavirus, suis très heureux d'être là. Non, je ne suis pas tombé malade, je rassure tout le monde. Voilà. Il a passé le cap, il a survécu. Voilà. Alors pour ceux qui espéraient récupérer éventuellement sa chaîne en héritage, c'est mort, il faudra attendre, messieurs. Il est toujours avec nous et c'est un plaisir. Et nous avons mon chouchou, mon héros, mon ami, le French Geek. Comment vas-tu, mon French Geek ? De la caverne du French Geek. Salut, ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Ben, on a été contraints, hein, il faut le savoir. Voilà. Est-ce que tu veux, vu que tu payes bien, de t'inviter, moyennant petite rémunération, voilà, ça nous fait extrêmement plaisir. Et pour ceux qui n'auraient pas le plaisir de te connaître, est-ce que tu pourrais, parce que toi tu n'es pas retraité, donc du coup on peut parler de ton travail et de ton excellent travail sur YouTube. Tu peux nous présenter ta chaîne, même si honnêtement, hein, ceux qui nous écoutent, ils doivent la connaître parce que j'en parle généralement toutes les deux émissions. Hein ? Je sais, ça devait gonfler pas mal d'ailleurs. Eh bien, je te remercie d'ailleurs de cette publicité que tu me fais régulièrement. Je te remercie aussi de m'avoir donc invité cette fois-ci. Je profite pour féliciter Florent pour son travail. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire en face, donc. Pour une fois qu'on est quasiment entre quatre yeux, j'en profite. J'adore ce que fait Florent pour la communauté des fans de comics. Donc bravo Florent. Donc on se déshabille là maintenant de suite ? On commence les choses sérieuses ? On se déshabille, on y va tous ? Et je crois qu'il veut te forcer à rouvrir ta chaîne. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Mais il y a une pétition, hein, il y a un mouvement oui. Un mouvement souterrain pour faire en sorte que tu reprennes à un moment ou à un autre tes vidéos. Même si c'est sur un format plus léger, plus simple, mais tu manques au paysage hein, quand même, sincèrement. C'est très gentil à vous, mais malheureusement, j'ai une vie, je n'ai pas que ça à faire. Bon. Là, tu vois, je suis vraiment un connard parce que l'espace d'une seconde, j'ai espéré le divorce. Tu vois, j'ai dit, oh, peut-être qu'éventuellement, si dans sa famille ça se passe moins bien, peut-être qu'un jour on aura l'espoir de devoir revenir. Non, mais c'est... Alors, c'est dommage pour nous, mais c'est très bien de passer à autre chose. Et puis, voilà, c'est surtout ça. Et puis, bon, il y a tellement de chaînes de qualité, tellement de choses que je ne peux, j'ai même pas le temps de tout voir ce qui se passe sur Internet. Vous, bien sûr, vous le savez, je vous adore, j'adore ce que vous faites. Et il y a aussi tellement d'autres chaînes, d'autres blogs, d'autres sites. C'est, franchement, il y a tellement de choses. Ça m'énerve d'ailleurs qu'il y ait autant de choses parce que je ne peux pas tout suivre. Et ça m'énerve parce qu'il y a vraiment des gens de qualité. Bon, ici, en plus, là, on est vraiment à la qualité plus, je dirais. Et avec. Il y a quelque chose en plus que vous avez, outre votre qualité intrinsèque, votre geekerie, tout ce que vous faites, il y a aussi un super état d'esprit. Vraiment, voilà, on partage, je pense, tous une certaine joie de vivre, une certaine envie de vivre ensemble et de partager ce qu'on aime. Et ça, c'est super, c'est super. Je t'aime, Flo. Moi aussi. C'est très gentil, mais c'est le but et c'est cool si c'est compris comme ça. C'est le plus important. Alors vous connaissez bon, le principe de l'émission, on a choisi tous les 5 deux geekeries, on va vous les présenter à tour de rôle. Mais juste avant, on voulait vous faire une petite annonce, on voulait vous rappeler ce qui s'est passé, en tout cas pour la rubrique geek, la semaine qui vient de s'écouler. Si je vous résume un peu la situation, le 2 mai, la rubrique geek va fêter ses 1 an d'existence, et on est, je pense que vous m'arrêtez si je me trompe, messieurs, mais on est extrêmement fiers et très très heureux de l'année qui s'est écoulée. On est très très content en fait du travail qui a été accompli. On a essayé justement de le faire avec sincérité, en essayant d'améliorer à chaque fois la qualité, mais toujours en étant bienveillant et en s'amusant. Et puis on a fait un petit point d'étape, et puis on a décidé collectivement qu'il était temps que cette émission ne soit plus vue simplement comme une émission de Les Rubriques de G, parce que ce n'est pas ça, mais que ce soit vu comme une émission, une équipe à part entière. Et donc, du coup, on a décidé d'ouvrir un compte Instagram, un compte Twitter. Et donc, du coup, la rubrique Geek n'est plus une émission de Les Rubriques de G, même si je vais continuer à l'héberger sur ma chaîne YouTube pour des raisons pratiques, techniques, et puis parce que, du coup, on a une petite audience sur cette chaîne et que ça nous semble le plus judicieux. Mais voilà, nous sommes officiellement une équipe de 3 personnes, à parts égales, ce qu'on était déjà depuis le début, mais au moins maintenant, c'est clair pour tout le monde, c'est clair pour nous, et on est très heureux de ça. Et pour fêter ça, on a décidé de faire un petit concours, de vous faire gagner un petit quelque chose. Et étant donné qu'on est dans une période un petit peu particulière où les libraires, les gens qu'on aime et qu'on soutient, alors pas simplement depuis le coronavirus, qu'on a toujours soutenu, on appelle depuis toujours à aller dans une librairie ou aller voir un spécialiste plutôt que d'aller sur Amazon, la Fnac, tout ça. Je pense que ces gens-là ont tout à fait la capacité de gagner leur argent ailleurs, et qu'il est de notre responsabilité, à nous lecteurs, de faire vivre les libraires. Et là, les libraires, ils ont pris un petit... j'entends mon retour, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a mis le son chez lui. et les libraires, en ce moment, ils ont quand même énormément besoin de nous, et on a contacté Excalibur Comics, qui est un libraire donc du coup qui œuvre en ligne, qu'on aime tout particulièrement, parce que c'est quelqu'un... la personne qui gère cette boutique est quelqu'un juste de très bien, et c'est des gens extrêmement sérieux, et on a décidé de s'associer à eux pour faire un petit concours qui commencera lundi prochain, et on vous fera gagner le premier intégral d'Invincible chez Delcourt. Donc vous pourrez commencer à jouer à partir de lundi. Voilà, ça c'est notre petit cadeau, à nos frais. Notre part pour fêter nos 1 an d'existence. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot, Spider-Man, Vincent. Tu parles tellement bien. Oh, c'est très, mais c'est... Merci, ça ne m'arrange pas que tu dises ça. Mais... mais merci. Mais bon. Alors, on n'est pas bien au bout d'un an ? C'est qui les patrons ? C'est qui les plus forts ? comme tu dis, hein, au moins ça officialise un peu tout ça. Puis... Voilà. Et puis voilà, puis quand on a des annonces à faire pour l'émission, c'est plus pratique de le faire sur un compte officiel. Voilà. Spider-Man, Ramoun, éventuellement. Maintenant qu'on a fini avec ces petites annonces, je pense qu'on va pouvoir passer au geekery, au cœur de la soirée. Et c'est toi, mon cher Vincent, qui va attaquer, et tu vas nous parler de Preacher, mais la série télé. Et là, c'est décevant. Oh! J'espérais que tu allais nous parler du comics. Oh. Je vais vous parler de Pruhaché. Eh ouais. Non, c'est... En fait, alors, je me suis retrouvé, j'ai vu du coup la saison 4 sur le courant de la semaine. On s'en fout. Et donc du coup, la saison 4 est la dernière saison de la série Preacher. Et Preacher, en fait, c'est une série pour faire un petit retour, qui a fait pas mal parler, parce qu'en fait, la première saison de Preacher est un peu une saison qui se place avant le comics, en fait, qui est une sorte de prélude. Donc il y avait beaucoup de gens qui avaient craché dessus, qui disaient « bah ouais, mais ça suit pas le comics, ça sert à quoi, c'est nul, ça sert à rien ». Moi, je trouve qu'elle installe déjà certains personnages qu'on retrouve déjà dans le comics, hein, comme Horseface, etc., Et le truc, donc il y avait beaucoup de gens qui crachaient dessus. Moi, je trouve que la première saison était vraiment sympa. Et la deuxième saison, qui par contre, elle revient finalement sur l'histoire des comics. Et du coup, là, il y a tout le monde qui lui crachait dessus en disant « Ouais, mais la série, elle reprend le comics, il n'y a pas de nouveauté, c'est pas original. » Donc du coup, bah, les gens, il faut savoir ce que vous voulez, petit 1, voilà. Mais ça me faisait rigoler parce que du coup, il y avait un peu un double discours. Mais si moi, je prends la série vraiment comme œuvre à part entière, enfin, comme jugée comme elle doit être, pas comme une adaptation ou quoi que ce soit, je trouve que la série est vraiment très sympa parce que je trouve qu'elle reprend vraiment certains codes du comics. Elle reprend vraiment l'ambiance et un côté qui est très, très décalé. Et c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire que je retrouve certains personnages du comics. Je retrouve certaines situations un peu ubuesques, un peu extrêmes et un peu parfois assez trash. Et du coup, ça me fait plaisir de voir que du coup, Seth Rogen et Goldberg, qui sont à l'initiative de la série, mettent vraiment un œil de fan dedans parce que, c'est vraiment une série, je trouve, bienveillante vis-à-vis de l'œuvre originale. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas refaire le comics, ils savaient que du coup, il fallait bien démarrer quelque part, est-ce que ça prenait autant, est-ce qu'ils faisaient un prélude, etc. Ils ont fait le choix de faire un prélude. Mais je trouve qu'ils ont vraiment repris les éléments qui marchent bien dans le comics et ils ont décidé d'en faire une série avec toute la bienveillance qu'ils ont vis-à-vis du titre, avec tous les éléments qui marchent bien, sans complètement suivre la trace du comics pour proposer quelque chose d'un peu différent. Mais moi, c'est une série que du coup, j'aime, que j'aime beaucoup. Et que bah, du coup, j'ai terminé la semaine dernière. Et je trouve que la fin est vraiment très bien. Ils ont bien amené le truc. Pour un comics qui est très, très dense et très fourni et en plus très long, parce que c'est quand même 6 gros pavés chez Urban. C'était plus d'une dizaine de tomes, entre 10 et 15. Enfin, ouais, 15 tomes, je crois, à l'époque. Donc c'est quand même une œuvre assez conséquente. Et donc avoir que 4 saisons, bah je trouve que ouais, ils ont fait un bon taf et j'ai pris plaisir à la regarder. Eh bien merci. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? T'as fini d'une manière tellement abrupte, tu m'as coupé dans mon élan, dis donc, j'étais en train de discuter sur le chat. J'ai pas vu la série Preacher. J'ai pas lu Preacher. Donc je vais pas pouvoir beaucoup vous aider. Est-ce que quelqu'un a vu cette série? Non. Non, j'ai juste regardé le premier épisode, c'est tout. Et ben on va être obligé de te croire du coup. Bah merde. Et là ça me met pas bien, tu vois, je suis pas sûr. On aime pas trop ça. Je suis pas sûr. C'est comme ça. Mais j'irai peut-être. J'ai tellement de retard sur les séries, mais voilà, enfin j'ai tellement de séries que je voudrais voir que c'est difficile d'être crédible en disant ça. Mais j'avoue que du coup là j'ai pu aujourd'hui aller chez mon libraire et me faire changer mon Preacher numéro 1, parce que pour la petite histoire. En ayant acheté mon Preacher numéro 1, je ne l'avais pas ouvert tout de suite, et la couverture était bien celle du numéro 1, mais à l'intérieur, c'était le tome 2. Et quand j'ai voulu commencer la série Preacher, au début, je comprenais pas grand-chose hein, de ce qui se passait. Je trouvais que tu vois, l'histoire était déjà bien mise en place, et je comprenais pas vraiment. Tu m'étonnes, j'étais au tome 2. Bref, du coup, j'ai pu faire changer mon bouquin, je vais pouvoir commencer les Preacher, et j'espère peut-être ensuite... me diriger vers cette série. Enfin, je te parle de 2022-2023, hein, c'est pas demain. Hein. On a le temps, vu la vitesse à laquelle je fais ça. Il y a les 3 premières saisons disponibles sur Amazon Prime. Ah ouais? Donc la quatrième étant quand même assez récente, parce qu'elle a à peine quelques mois. C'est-à-dire qu'elle arrivera plus tard, mais je crois qu'il y a déjà les 3 premières saisons disponibles sur Amazon Prime. Ouais, c'est... C'est quand même bien tentant. Bah, du coup, c'est dommage parce qu'on peut pas relancer, vraiment argumenter autour de la série. On est obligé de te croire. Mais grosso modo, en regardant un peu sur Internet, j'ai vu qu'il y avait quand même de très très bons retours. Bah, en fait, moi, c'était ça qui... Enfin, c'est pour ça que c'était le coup de gueule, parce que moi, je voyais beaucoup de gens qui ils jugeaient pas la série, ils se plaignaient que ça suivait pas le comics. Mais est-ce que la série elle est bien? Est-ce que tu t'y retrouves? Enfin, tu t'en fous, ça suive ou pas? Enfin, et après que les mecs ils se plaignent que du coup on soit dans le comics et soit pas original, mais qu'est-ce que tu veux? Enfin, on s'en bat les couilles du coup, décide-toi et crache pas dessus, regarde la série. Après t'aimes ou t'aimes pas, mais voilà quoi. Pour moi, c'est qu'il y a eu un gros souci quand elle est sortie d'un peu de faux arguments. Parce qu'il y a beaucoup de gens très puristes. Quand il y a une adaptation, un ceci, un cela, ils veulent pas. Forcément, ça sera pas bon, etc. Et enfin. c'est, moi, je trouve que c'est du faux argument. Après, par contre, tu peux regarder, ne pas aimer, etc. Ça, c'est légitime, toi. Mais juste cracher dessus, juste parce que ça suit ou ça suit pas, que t'es content, pas content, etc. C'était un faux débat et ça a vachement desservi la série, en fait. Enfin, la première saison, quand elle est sortie. Et ça fait du débat un peu inutile, quoi. Et on a Vanessa sur le chat qui nous signalait tout à l'heure que l'acteur, quand même, au centre de l'image là, qu'on diffuse sur YouTube, il a quand même bien la gueule à Kev Adams, hein. Ah, Dominique Cooper, ouais, c'est bien. Mais je trouve qu'il joue bien et on retrouve. Enfin, moi, j'ai vraiment retrouvé le personnage de Jesse Custer du comics dedans, quoi. On a un peu ce truc-là. On retrouve un peu aussi la relation avec Tulip. C'est moins poussé et peut-être moins développé que dans le comics. Mais ouais, ça fait partie des éléments qui marchent bien dans la série, je trouve. Eh bien, merci. Si vous êtes d'accord, on va pouvoir passer à la seconde geekerie. Et là, okay. Et là je t'attends au détour, mon cher Flo, parce que tu vas nous parler d'un jeu de rôle, si je comprends bien. Alors, oui, je vais vous parler de The Witcher, le jeu de rôle, mais pas que. J'aimerais aussi vous parler du jeu de cartes. Bon, The Witcher, vous connaissez tous, je pense. Vous connaissez le jeu vidéo, vous connaissez les livres, connaissez les séries télé. Oui, voilà. Oui. Je connais même le petit jeu, le Gwent. Oui, voilà, le jeu Gwent, je vais vous en parler, hein, du jeu de cartes, mais il y a aussi des comics, il y a des artbooks, il y a une musique qui est extraordinaire, les musiques des jeux sont vraiment extraordinaires, il y a un jeu de société, donc il y a un jeu de cartes et un jeu de rôle. Donc pour le jeu de cartes, c'est un jeu gratuit que vous pouvez retrouver sur PC, mais aussi sur les consoles dernière génération. Ça vient juste de sortir sur Android, c'était adapté sur iOS il y a un petit moment aussi. Bref, c'est un jeu de cartes qui reprend en fait le Gwent du Witcher 3. Pour ceux qui ont joué à ce jeu vidéo, Witcher 3, il y avait un jeu de cartes qui était là, qui était très agréable. Et le Gwent s'est fait sur ce jeu-là. Alors, ils ont énormément modifié les règles. Vraiment beaucoup modifié les règles. Moi, je faisais partie de la bêta donc, du jeu Gwent en 2018, avant qu'il sorte officiellement. Et on reprenait un petit peu les règles du Gwent. Mais là, ils ont vraiment modifié. Par exemple, il n'y a plus que deux lignes. Au jeu Gwent, il y en avait trois. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est un jeu de cartes comme Hearthstone, comme pas mal de jeux de cartes, comme Magic, etc. C'est un jeu de cartes gratuit, très intéressant parce qu'il suit l'univers de Witcher. Vous avez des factions, vous avez des chefs, vous avez même des scénarios, vous pouvez poser des scénarios, il y a des choses qui se déroulent. C'est très, très agréable à jouer et c'est totalement gratuit. Bien sûr, vous pouvez acheter des trucs, mais c'est un petit peu de customisation. Vous n'avez vraiment pas besoin de dépenser quoi que ce soit pour jouer à ce jeu. C'est un jeu vraiment de stratégie, donc un jeu de cartes. Je vous le conseille à tout le monde parce que si vous aimez les jeux de cartes, un peu, je dirais, où il faut vraiment réfléchir, hein, il faut vraiment avoir une stratégie, il faut construire son deck, il faut au moins 25 cartes, on a 10 cartes qu'on tire au début, il faut gagner 2 manches sur 3. Il y a vraiment, vraiment un côté stratégie. Moi, je suis un joueur d'échecs à la base et j'adore tous les jeux de stratégie. Et là, vraiment, il y a une grosse stratégie dans le Gwent. Les factions ne sont pas forcément équilibrées. Vous avez des neutres, des monstres, Nilfgaard, le Royaume du Nord, le Skoyatel, Skellige et les syndicats. Mais en fait, ils arrangent, ils rééquilibrent régulièrement. Donc, ils réaménagent un petit peu les règles assez régulièrement pour susciter toujours l'intérêt. Voilà. Il y a toujours des extensions qui sortent. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, je vous conseille vraiment de le faire, c'est très très bon. Mais bon, on va passer de suite au cœur de la meule, je dirais. Moi, j'ai envie aussi de vous parler de quelque chose qui me fait très très plaisir, c'est Witcher, le jeu de rôle, qui est sorti en VF chez Arkane Asylum. Vous pouvez le retrouver au prix de 49€. Actuellement, il est en promotion en version PDF à 29€. C'est très intéressant et il y a un livret de présentation qui est gratuit, qui est téléchargeable aussi. Le mode facile, une introduction au jeu de rôle de The Witcher qui fait 32 pages. Alors, pour ceux qui sont rôlistes, est-ce qu'il y en a parmi nous? Hélas. Ouais. Les rôlistes, je veux que vous criez dans le chat. Oui. Alors, attends, je suis seul, je suis un peu ridicule. Là. Non, non, il y en a. Il y a même des nouveaux. On peut balancer. Je sais pas si on peut balancer du coup. Je balance quand même. Ah non, enfin, je vais. Il y a des gens dans le chat qui sont qui commencent à jouer au jeu de rôle, on va dire d'une manière sérieuse. Voilà. Je donne pas de nom, mais voilà, ça commence à venir. Bon, moi je suis un vieux rôliste. Bon, ça fait 10 ans que j'ai pas maîtrisé, mais bon, j'ai toujours une table où je joue régulièrement, une fois par mois à peu près. Et bon, ce jeu de rôle, je l'attendais énormément parce que j'adore le lore de Witcher. J'ai lu pas mal de choses sur cet univers fictionnel. J'aime bien ça, l'univers fictionnel. En fait, ce qui est propre à The Witcher, c'est qu'ils ont développé quelque chose d'assez cohérent. Tous les produits dérivés, en fait, on n'est pas devant une licence commerciale classique. Tous les produits dérivés apportent quelque chose d'intéressant dans le monde et dans l'univers fictionnel étendu. Un petit peu comme Star Wars, vous avez beaucoup de choses qui sont très intéressantes lorsqu'on s'intéresse vraiment à Star Wars. Là, c'est le côté un petit peu geek qui parle. Ce qui, moi, m'intéresse effectivement dans les produits dérivés, c'est lorsque ça va vraiment profondément dans le lore. Et c'est un petit peu le cas de ce jeu de rôle, qui est un petit peu un jeu de rôle à l'ancienne, hein, c'est-à-dire avec beaucoup de règles, des règles compliquées, beaucoup de caractéristiques, par exemple. Il y en a 9 caractéristiques, c'est énorme. Il y a des caractéristiques dérivées, des compétences, il y a des règles de combat à l'ancienne, avec des localisations, le torse, la tête, les jambes. Pour ceux qui ont connu les vieilles périodes du JRTM, jeu de rôle de la Terre du Milieu, vous allez retrouver un petit peu ça. C'est très, old school, ce jeu de rôle. En même temps, c'est très intéressant parce qu'on est dans un univers quand même très, qui réclame un petit peu de maturité, et c'est très bien, je pense. En fait, ce jeu de rôle, je le réserverai à des rôlistes qui ont un peu roulé leur bosse, parce que l'univers qui est dépeint, c'est un univers bien complexe, bien compliqué, où on ne peut pas sauver la veuve et l'orphelin comme ça très facilement. Non, tout se paye cash. C'est un monde vraiment entre gris clair et gris foncé. Il n'y a pas de bon choix. On vise toujours le moindre mal. Hein. Le choix à faire, c'est pas entre le bien et le mal. Hein. C'est toujours on vise le moindre mal, sachant qu'une action qui semble apparemment bénéfique sur le court terme a souvent une conséquence néfaste à moyen ou à long terme. Donc, c'est en fait un univers totalement désenchanté où les valeurs humaines sont mises à mal et où les moments de clarté et de beauté sont très très rares. C'est tout ce qui en fait l'intérêt. Et dans un jeu de rôle, eh bien, je pense qu'il vous faut des vieux briscards, des gens qui ont la tchatche facile, qui peuvent passer du temps dans un combat, qui peuvent vraiment arriver à découdre un scénario dans la sueur et dans les larmes, parce que vraiment, c'est quelque chose de difficile. Ce jeu-là est difficile, hein, ce jeu de rôle. Alors, j'en parle en théorie, parce que je suis en train de l'étudier, et je crois qu'il va me faire sortir un petit peu de ma retraite et je vais le maîtriser. Ne le dites pas trop fort à mes amis parce qu'ils attendent ça depuis un petit moment. Personne ne m'écoute, j'espère. J'ai encore besoin de beaucoup de temps parce qu'il faut vraiment... C'est un univers très, très complexe et très large. Et j'aimerais vraiment le maîtriser très, très bien avec la musique, avec les images, avec tout ce qu'on peut faire maintenant d'intéressant au niveau jeu de rôle. Mais bref, je voulais vous dire, pour ceux qui ont envie effectivement d'un jeu de rôle un petit peu à l'ancienne, qui n'ont pas peur de la difficulté, qui n'ont pas peur de la dark fantasy, ben allez-y, ça vaut le coup. Voilà. Et c'est, ouais, enfin c'est bon, clairement ça va pas s'adresser à moi parce que enfin je pense que c'est un niveau trop important, mais si tu devais nous en conseiller un, tu vois, pour commencer gentiment les jeux de rôle. L'appel de Cthulhu, je pense, parce que c'est l'un de mes premiers et je pense que il n'est pas si difficile que ça finalement. Et puis, c'est surtout un jeu d'ambiance, l'appel de Cthulhu, c'est-à-dire que tu ne peux pas affronter un grand ancien, même avec armée jusqu'aux dents, tu ne pourras rien faire. Donc, c'est un jeu qui est basé sur l'ambiance, sur la peur. Et donc, je pense que c'est une bonne initiation. Après, je te dirais, pour les derniers jeux, je suis un petit peu largué. Le jeu de rôle, j'ai arrêté depuis à peu près 10 ans. Mm-hmm. On tourne toujours un petit peu sur les mêmes, nous, hein, en fait. Donc, moi, je suis très... je joue à l'ancienne, donc Donjons et Dragons, Dragon, j'aime beaucoup ça, D&D, donc j'aime beaucoup aussi Le Secret de la Septième Mer, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, qui est un peu de cap et d'épée, c'est très très intéressant aussi, un petit peu, on peut jouer aux mousquetaires, ce genre de choses, c'est intéressant, on peut jouer aux pirates aussi dans ce monde-là, c'est très intéressant. Non, après, pour, en fait, tout dépend. Hein. Tu avais Yanda qui t'avait proposé quelque chose dans une de ouais. tes rubriques geek. Je crois que c'est la 3, ou je ne sais plus, je ne me souviens plus. C'est ça, le round 3. En fait, ouais. Oui, tu avais proposé un jeu de rôle qui était adapté même aux enfants. Je pense que c'est un très bon point de départ, ça. Hein. Donjon et Chenapan. Chenapan, voilà. Je pense que c'est un très bon point de départ. Je ne l'ai jamais essayé, mais je crois que je vais le faire avec mes filles. Hein. Ouais. D'accord. Bah, j'avais dit que j'en ferais une partie, tu vois, avec mon grand et ma femme, et bah, du coup, ça s'est toujours pas fait. Donc, bon, bah, pas demain soir, parce que demain soir, on lui a promis qu'on allait lui faire découvrir, enfin, découvrir, on a déjà vu, mais on va lui montrer des nouveaux. Pff, on va lui montrer la grande vadrouille, voilà. De Funès, mon fils, tu vas apprendre qui est De Funès. Extra. Rien à voir, mais je pense que ça fait partie de l'éducation, à un moment donné. voilà, faut. Tu as raison. Faut passer par là. Et du coup, alors Vincent, je sais que tu as déjà joué au jeu de rôle, mais mon cher French Geek. Ben, en fait, j'ai beaucoup joué au Witcher 3, mais c'est le Witcher 3 et la série des Final Fantasy sur PlayStation. C'est tout ce que je connais. J'ai jamais joué au jeu de rôle papier. Enfin, j'ai un souvenir très embrumé et alcoolisé d'y avoir joué une fois quand j'étais à l'armée. Ouais. Mais c'est tout. c'était pendant une perme. Je ne sais même plus à quoi on avait joué d'ailleurs. Mais sinon, ouais, j'ai adoré le Witcher 3. Et ce que Flo disait au sujet des choix qui paraissent bons à court terme, mais qui se révèlent être plus dangereux ou dommageables pour ton personnage à long terme, ça me rappelle carrément le jeu. Parce que c'est l'expérience que j'en ai eue qui m'a vraiment bluffé sur le Witcher 3. Alors, le jeu de rôle se situe justement... Alors, le jeu de rôle n'est pas tiré des romans. Ça peut être une faiblesse, mais ça peut être une force. Il est tiré des jeux vidéo. Donc, vraiment, le jeu de rôle se passe entre le Witcher 2 et le Witcher 3. C'est une bonne période, je pense, pour jouer dans ce monde-là. Effectivement, ça réclame. C'est vraiment un monde qui est désenchanté, quoi. Ça file le bourdon au bout d'un moment, hein, franchement. Je veux bien te croire. Et, et toi, Vincent, ça fait un moment, je crois, que t'as pas joué toi non plus au jeu de rôle. Bah, moi, je jouais quand j'étais étudiant et on jouait à l'école. Et du coup, en fait, moi, c'est plus que du coup, j'ai plus personne en gros avec qui jouer, en fait. C'est surtout ça. Et puis ça demande du temps. C'est des longues sessions et c'est surtout ça. Mais moi je trouve ça surprenant de voir du coup ce que décrit Florent sur le jeu de rôle The Witcher, qui est assez complexe, alors que moi j'avais le sentiment que depuis quelques années on a vachement tendance à faire des jeux de rôle de plus en plus simplifiés, mais en étant beaucoup plus travaillé sur l'immersion, en fait. Moi, je le ressens un peu comme ça depuis quelques temps, les nouveaux jeux de rôle qui sortent, quoi. Donc, c'est... Là, il y a beaucoup... Alors, effectivement, c'est un jeu de rôle un peu à l'ancienne, parce qu'il y a un énorme contexte, et il y a beaucoup de règles de combat, de règles de caractéristiques. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué pour ceux qui débutent, effectivement. Mais je voudrais juste rajouter quelque chose. Il y a le jeu de rôle papier, mais il y a aussi le jeu de rôle, le grandeur nature, qu'on appelle, où j'ai été un joueur de grandeur nature, un organisateur aussi. Et je pense que Witcher est un monde qui serait adaptable en grandeur nature, mais sur des périodes pas longues, pas un week-end, pas deux, trois jours, mais plutôt une soirée. Je pense qu'on appelle des murders. Je pense que ce serait intéressant de faire du Witcher un murder. Et j'y réfléchis d'ailleurs. Voilà. D'accord. C'est tout ce que j'avais à dire. Eh bien, merci. Moi, j'ai vraiment très, très envie de faire un jour un petit jeu de rôle, mais alors, franchement, ça demande un temps, et puis il faut des gens qui s'y connaissent, il faut s'y investir dedans, enfin voilà, enfin surtout pour le maître du jeu, quoi, a priori. Surtout quand t'as jamais fait, en fait. C'est les premières parties, ça demande explication. Je sais que, enfin, c'est bête, mais j'avais commencé sur Donjons et Dragons, hein, quand j'étais ado ou gamin. Et c'est hyper complet. Déjà, Donjons et Dragons, c'est aussi un jeu de rôle un peu à l'ancienne. Donc en, les premières parties, construire son, préparer son perso, comprendre un peu l'univers, comprendre le scénario, ça prend du temps qu'on n'a pas l'habitude. Puis après, il y a des choses où, une fois qu'on est habitué, qui se font beaucoup plus vite. Et c'est toujours pour ça. Mais il faut forcément apprendre au départ, quoi. D'accord. Ouais. C'est clair. Il y a quelque chose qu'on... ce qu'on appelle les détails de fiches, justement. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Lorsqu'on crée un personnage dans un jeu de rôle, plus on met du temps à créer son personnage, ce qu'on appelle des détails de fiches, plus ça montre la technicité donc, du jeu de rôle dans lequel on commence à faire une campagne ou un scénario. Et c'est justement comme, c'est là où on peut saisir si effectivement c'est quelque chose de long, de difficile ou pas. Les détails de fiches, pour ceux qui sont bons rôlistes, je dirais, il faut au moins 2-3 heures de détails de fiches pour faire un personnage. Voilà. C'est très révélateur de la difficulté, de l'appréhension, etc., du jeu de rôle de manière générale. Et qu'est-ce que tu appelles en fait le détail de fiche ? Construire son personnage, ses atouts, ses faiblesses, son histoire. Son background. Ses caractéristiques, son histoire, toutes ces choses-là. Après, il faut voir que là, on parle un peu de jeu de rôle, donc là, très orienté heroic fantasy, etc. Il faut savoir qu'il y a des jeux de rôle, il y a des jeux de rôle qui se passent, on va dire, style un peu univers Star Wars, etc. Il y en a qui sont beaucoup plus, qui sont à l'époque d'aujourd'hui. Il y en a un où le but, c'est un peu de faire le mal. Enfin, il y a énormément de jeux de rôle différents. Hein. C'est très, très varié. Il y a beaucoup de gens qui associent toujours en fait, le jeu de rôle à l'heroic fantasy. Mais c'est quand même... Enfin, il y a vraiment de tout pour tous les goûts. Les gens qui aiment la SF, il y en a. Les gens qui aiment l'horreur, il y en a. Les gens qui aiment, je sais pas, les trucs de vie moderne, etc., enfin, qui se passe à notre époque, il y en a. Enfin, c'est très, très varié, très, très complet. Hein. C'est pas que l'heroic fantasy, quoi. Eh bien, merci. En tout cas, voilà. Et donc, du coup, j'ai l'autorisation de James pour pouvoir le dire. Du coup, Comics Discovery, ils sont en train de travailler un petit peu le sujet et c'est pas impossible, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y ait à l'avenir des petits jeux de rôle, alors je sais pas si ce sera en podcast ou sur YouTube, ou je sais pas, mais en tout cas, il y a cette volonté de leur part, ils sont en train de travailler le sujet avec tout le professionnalisme qui est le leur, et toute la passion aussi, et ça, je pense que ça va être quelque chose de vraiment balèze dans les semaines et mois à venir, en tout cas j'espère. Voilà. Et si je peux faire un très rapide aparté, mais je t'en sais prie, que, je c'est sais que un petit Florent, peu ton émission. Je sais que Jérôme et Florent aiment bien le jeu vidéo The Witcher 3. Il y a une vidéo que je vous conseille de la chaîne Game Next Door, en fait, qui parle notamment un peu de comment les jeux vidéo ont évolué, notamment dans la dernière décennie, et qui évoque finalement la plaie qui a été The Witcher 3 pour le jeu vidéo. Je développe. Il dit The Witcher 3, en fait, est allé tellement loin en termes de richesse d'open world, de richesse scénaristique dans les quêtes annexes, dans le background, dans les personnages, etc. Toutes les quêtes annexes, même si elles sont répétitives, il y a une richesse de développement, etc., qui font qu'ils sont allés extrêmement loin. Et ça a notamment créé le système aujourd'hui connu d'open world de Ubisoft, qu'on retrouve dans leur Assassin's Creed, qu'on trouve dans les Far Cry, les trucs comme ça, dans la Warzone, et qu'ils n'arrivent pas à égaler, en fait. Aucun jeu n'arrive à avoir la même richesse et le même background. Et finalement, on est tombé un peu dans une période où, comme tous les jeux essayent d'égaler ça, ils n'y arrivent pas parce que la barre est tellement haute. Et donc, ça persévère. Et ça a engendré, en fait, chez certains studios, finalement, des jeux qui deviennent de plus en plus répétitifs et des copies, enfin, des pâles copies les uns des autres, en fait. Et donc, ils développent. The Witcher 3 reste, c'est par le bien, entre guillemets, qui fait ça. Mais à quel point, finalement, il a eu une grosse influence, parce qu'il reste considéré comme, par beaucoup de médias, de choses comme ça, comme l'un des meilleurs jeux de la décennie, etc. Et son impact fait que, justement, il y a certains studios genre Ubisoft, c'est que ça à cause d'eux, quoi. Et c'est super intéressant. Et du coup, comme je sais que tous les deux, vous êtes fans, je vous conseille de regarder cette vidéo-là, quoi. Je vais la regarder avec plaisir, mais en même temps, ça me paraît un petit peu bizarre ce qu'il dit, là, parce que je me rappelle que j'avais joué à Dragon Age, Inquisition. Dragon Age, c'est une série de RPG. Inquisition, à l'époque, c'était le dernier. Et j'avais trouvé que la trame, le scénario principal était sympa, mais toutes les quêtes annexes, c'était vraiment nul, parce que c'était tout le temps la même chose. Donc c'était les mêmes lieux, juste les monstres changeaient de couleur, et puis ils devenaient de plus en plus difficiles. Enfin, ils montaient de niveau. Donc c'était très chiant à jouer. Mais bon, ça restait quand même un RPG sympathique. Et quand je suis tombé sur le Witcher 3 qui arrivait donc après ça, ça m'a mis une claque énorme, comme à tout le monde, et je me suis dit, ben, avec un peu de chance, justement, les développeurs de jeux vont prendre état de ce fait, ils vont arrêter de nous faire des trames répétitives. Sauf que j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu quoi que ce soit de changé après. Là, je suis en train de me faire Final Fantasy VII, le remake, et c'est un jeu qui est sympa, mais qui reste un RPG conventionnel. Alors que l'original, à l'époque, en 97, je crois, était vraiment absolument génial. J'ai l'impression que tous les RPG, en tout cas ceux auxquels j'ai joué, et je n'ai pas joué à beaucoup de RPG, suivent justement une trame qui est plus ou moins la même. Donc, les développeurs se focalisent sur le développement de la trame principale, et puis les quêtes annexes, c'est annexe. Ah, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, mais qui reste assez récent, par exemple. Parce que tu me prends Dragon Age Inquisition, c'est un peu ça, mais prends le premier Dragon Age, t'es pas du tout dans une sorte d'open world, t'es très guidé, hein, t'as les chemins, etc. Et t'es dans un système complètement différent, c'est-à-dire t'as ta quête principale, t'as quelques petites quêtes annexes, t'as une répercussion sur ton personnage parce que tu reprends vraiment les bases des jeux de rôle style Neverwinter Night, les choses comme ça. Mais ça s'est développé vers ça. Les premiers Assassin's Creed, t'es pas vraiment dans un monde ouvert non plus. Tu restes dans un cercle assez fermé, assez petit. Guidé. Les derniers, Origins, Odyssey, etc. Pareil, là, tu rentres dans un truc qui est rentré plus dans une mécanique d'action RPG, grand monde ouvert. Parce que justement, en fait, c'est ce qu'ils essayent de faire. Ça reste assez récent. Et le problème, c'est qu'aucun n'arrive à faire comme The Witcher 3, je trouve. Alors, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Je suis en train de faire Odyssey, justement, Assassin's Creed Odyssey. Y a vraiment, clairement, la volonté de copier Witcher 3 dans Odyssey. Y a la volonté de nous impliquer émotionnellement dans les quêtes principale, bien évidemment, mais quêtes annexes aussi. Mais malheureusement, ils n'ont pas la qualité d'écriture de Witcher 3. Alors, par contre, le jeu est extraordinairement beau, hein, il n'y a aucun problème. C'est intéressant à faire, mais il y a un problème de degré. On sent vraiment parfois que les quêtes sont là pour nous impliquer émotionnellement et on nous force à vouloir ressentir des émotions, mais on ne les ressent pas. Et ça fait plouf, ça fait poc sur le basket. Il y a pas de justesse. C'est forcé. C'est là, tu dois pleurer et tu pleures, c'est tout. C'est du forcé, quoi. Ça fait poc sur la basket. Et honnêtement, je pense que c'est bien pour finir la guerre. Tu vois. On va rester sur ça et je la ressortirai. Ça fait poc sur la basket. Ah, je dois être un fiefé cochon parce que ça me fait beaucoup rire, moi. Je suis désolé. Ah, dis donc. Et du coup, alors avant de passer à la prochaine geekerie, parce que ça m'a beaucoup fait rire, et puis parce que c'est des gens que j'aime beaucoup aussi, Comic Snow avec MC Tweep font des lives en ce moment avec la période de confinement. Ils en font un demain à 20h30, et nous vous invitons à aller les et si le cœur vous en dit. Et c'est des gens qui sont, en plus d'être très sympathiques, très bien, et je suis certain qu'on va passer une très très bonne soirée en leur compagnie. Voilà, le message est passé. Et on va pouvoir passer à la geekerie suivante, et on va parler comics avec toi, mon cher Spider-Man, avec une sortie prévue dans les mois à venir que tu as lu en VO. Vas-y, vends-nous du rêve, nous t'écoutons. Alors, j'ai lu Batman Curse of the White Knight, donc la suite de Batman White Knight de Sean Gordon Murphy, scénarisé et dessiné par lui, et mis en couleur par le talentueux Matt Hollingsworth. Panini, je ne sais pas s'il y a eu une annonce, je ne crois pas. Normalement, Panini ne ferait rien annoncer dessus, Panini, je pense. Urban, je veux dire. Urban, je crois pas qu'ils ont annoncé quelque chose dessus. Puis là, avec les retards qu'il y a de toute manière, à mon avis, ce ne sera pas avant un moment. Mais vu comme c'était vendu le tome 1, c'est sûr que ce sera mis en vente, hein, et sûrement qu'il y aurait une édition noir et blanc. Et donc, c'est la suite directe donc à Batman White Knight, qui introduit le personnage de Azrael. Et de manière très intelligente, en fait, de manière à ce qu'il soit intégré au passé de la famille Wayne. En fait, Sean Murphy va vraiment jouer sur deux fronts, en fait, sur le présent, un Batman qui a été marqué par l'affrontement avec le Joker et Jack Napier, et sur le passé, il va jouer donc aussi sur le passé avec vraiment redéfinir et émettre plein de doutes sur l'héritage des Wayne, sur vraiment leurs racines en fait. Et tout en faisant ça, il va aussi reprendre quelques passages de Batman, des passages historiques qui ont marqué vraiment l'histoire de Batman dans l'univers d'ici. Et il va les modifier, les intégrer subtilement à son histoire, de sorte à ce que ça fasse des beaux hommages, je trouve. Sinon, sur l'histoire, donc, ça introduit Azrael, ça parle du passé des Wayne. Et on a aussi un gros travail qui est fait sur la relation des personnages, notamment Batman Harley et Batman Gordon. Je trouvais la relation Batman-Gordon hyper touchante. On a un Batman du coup qui est hyper fragile psychologiquement, parce qu'on comprend en fait que, on avait déjà compris dans le tome 1 que ça faisait des dizaines d'années en fait que Batman faisait ce qu'il faisait, hein, du vigilantisme dans Gotham, et il a des doutes, il est fatigué, et il y avait déjà des révélations qui avaient été mises en lumière par Jack Napier dans le tome 1. Il lui faisait comprendre, il avait mis un peu en lumière le fait que Batman, en fait, il courait après les méchants depuis des dizaines d'années, sauf que les vrais méchants, en fait, c'était pas eux. Et il s'en rend vraiment compte dans ce tome-là, qu'en fait, il a combattu des vilains pendant des années en pensant qu'il aidait Gotham, mais en fait, il faisait que aider les riches et les pourris, les politiciens qui s'enrichissaient sur les dégâts qu'il faisait, en fait, et sur son dos. Du coup, il est vraiment en plein doute. C'est comme si on venait de lui dire que tout ce qui sa croisade en fait elle avait servi à rien. S'il avait rien fait, ça aurait été mieux. Donc on a un peu un Batman au 36e dessous qui sait plus quoi faire, qui pense même à révéler son identité, à dilapider sa fortune, il sait plus où il en est. Ça, je trouvais ça vraiment génial. On a aussi un Batman enquêteur qui manque un peu ces dernières années, je trouve. Et on a Sean Gordon Murphy qui se fait vraiment plaisir au niveau visuel. En fait, Murphy, c'est vraiment un passionné de mécanique et de voiture. Et ça se ressent vraiment dans le traitement des Batmobiles, en fait. Et il a la quarantaine, un peu comme nous. Hein. Et on voit aussi qu'il a baigné... Moi, j'ai 25. Mais ne vieillis pas comme ça, quand même, putain. T'es le seul. Et donc, on voit en fait qu'il a vraiment baigné dans le dessin animé des années 90, donc Batman, la série animée. Et on a genre à un moment, il y a une scène dans la Batcave où on voit le Batplane des années 90. Ça fait toujours quelque chose de voir toutes ces vieilles Batmobiles là, et il les dessine hyper bien. Et à chaque fois en fait qu'on voit sa Batcave, il a des Batmobiles, mais les Batmobiles ne sont jamais seules, garées toutes seules. Il y a toujours un moteur qui est en réparation dans un coin, des fils qui sont reliés à la Batmobile. C'est vraiment sur le côté mécanique qu'il appuie beaucoup. Et à un moment, il modifie une Batmobile bien connue de l'histoire de Batman d'une manière absolument magistrale, je trouve. C'est du génie. Et vraiment, dans chaque trait, on ressent vraiment tout l'amour qu'il a pour ce pan de Batman. Parce que les Batmobiles, ça fait vraiment partie de l'univers de Batman, ça fait partie de lui. Donc, il exploite ça super bien, je trouve. Donc, vraiment une bonne suite, une très bonne suite qui appelle encore une suite, hein, visiblement, parce que vu la fin, c'est encore ouvert. Donc, ouais, vraiment hâte que ça sorte en VF, et je pense que ça va au moins autant cartonner que le tome 1. Est-ce que quelqu'un autour de la table a lu le premier mon accent anglais de merde, White Knight. Yes, I did. Ah, tu l'as lu ? Oui. Oh merde, t'as pas aimé. Non. Pourquoi ? Dis-nous tout. Je sais pas. Donc c'est la façon de raconter les histoires qui ne me plaît pas de façon générale avec les comics récents. c'est pas quelque chose de particulier à cette BD. C'est pas quelque chose contre le dessinateur non plus. C'est juste, je suis pas un fan de la façon dont les gens racontent des histoires actuellement. Voilà. D'accord. Que ce soit monsieur, c'est de l'anti-jeunisme. Je m'oppose vertement sur ce mot. Tu as un coup de canne. Non, mais tu as raison. Non, mais c'est de l'anti-jeunisme quand même. Et, ouais. On attendra la sortie, t'inquiète. Putain, moi j'ai adoré le premier, vraiment. Mm. J'ai vraiment, vraiment aimé. C'est... Alors vraiment, il y en a qui n'ont pas vraiment aimé parce qu'ils estimaient, tu vois, que la promesse n'était pas tenue. D'avoir vraiment un changement de rôle entre Batman et le Joker. Moi, j'ai pas eu le sentiment en fait qu'on m'ait fait cette promesse-là, donc du coup, ça s'est super bien passé dans le premier, mais j'ai vraiment été époustouflé par la vision de Sean Murphy sur l'univers de Batman, comment il réussit à s'accaparer toutes les références, que ce soit film. Comics, les vieilles séries, ce que tu veux, la série animée, c'est comme s'il prenait un petit peu tout et qu'il nous livrait sa vision. Et c'est ça, en fait, moi, que j'attends vraiment, tu vois, d'un auteur, que ce soit un scénariste ou un dessinateur, ou bien les deux, comme dans le cas de Sean Murphy, je tape dans mon micro, putain, c'est pas ma soirée. Et c'est vraiment ça que j'attends d'un scénariste sur des personnages qui sont aussi vieux et aussi emblématiques. C'est de savoir récupérer vraiment tous les fondements du personnage, de se les approprier et de pouvoir nous ressortir quelque chose qui lui correspond et qui offre une nouvelle image. Et en cela, Sean Murphy, bah, pour le coup... Moi, j'ai totalement adhéré et j'attends avec impatience la sortie de ce tome chez Urban. Alors, impossible. Ça sera pas de avant dire. 2021. Ouais. Parce que, de toute façon, il n'est toujours pas sorti aux US. Aux US, il est prévu en novembre. Ouais, et puis là, de toute façon. Donc, tant qu'il n'est pas sorti aux US, on l'aura pas en France, quoi. Donc, faut compter quelques. Septembre, pardon, aux US. Pas novembre, pardon. Ouais, bah, l'année prochaine, quoi. Pour rebondir à ce que tu dis, moi, j'ai été un petit peu victime. On me l'a survendu, en fait, le premier. On me l'a survendu et j'ai été un petit peu déçu par rapport au fait qu'il y avait trop de hype autour. Et j'ai été un petit peu déçu par rapport à ça. Après, je trouve que c'est de la qualité. Hein. Mais voilà, c'est souvent le cas. Des fois, on me dit c'est extraordinaire et je le vois, je lis et je trouve ça, ouais, pas mal. Mais bon, finalement, c'est bof-bof pour moi. Et puis après, des fois, des trucs qu'on me dit, mais c'est d'une sombre merde, eh bien, je trouve ça pas mal. Donc, en fait, tout dépend si on te survend le truc ou si on te le descend. Des fois, il faut faire très attention à ce qu'on écoute. Ce qu'on reçoit, en fait, ce qui est important, c'est de te faire sa propre opinion, bien sûr. Et bon, c'est alors ça, mais tout à fait, et surtout, c'est que chacun se fasse sa propre opinion et qu'à la fin, tout le monde soit d'accord avec moi. Ça, c'est essentiel. Non, mais enfin, évidemment, c'est une blague, mais je vois qu'il y a Laura TV, donc Adrien, qui propose une petite Warzone. Adri, calmons-nous. Après le live, on ira jouer à la Warzone. T'inquiète, ça va venir. On a tous envie de tirer sur des ennemis, mais chaque chose en son temps. Là, pour l'instant, c'est pas le moment. Par contre, j'aime bien le commentaire de Laura TV qui dit qu'il est à demi-sorti sur le Twitter de Sean Murphy. C'est vrai. Sean Murphy, il balance tous les trucs, il s'en bat les couilles à chaque fois. C'est qu'il balance beaucoup de trucs, ouais. Même le premier, il foutait des pages tout le temps. Alors, il y avait un côté intéressant à lire les tweets de Sean Murphy, parce que par exemple, des fois, il mettait des pages et il expliquait comment il voulait que les lecteurs en fait, placent les bulles, etc. Pour qu'en fait, l'œil balaye toute l'action et comment en fait, on allait parcourir la case, voir tous les éléments, ça allait faire un chemin naturel, etc. Et c'est super intéressant quand on voit comment il explique, comment il fait ses constructions, pour qu'on soit sûr de tout balayer, etc. Mais clairement, le mec, il balance tout. Et du coup, vous prenez petite page par page, et puis voilà, vous allez avancer. Et ça me fait marrer de voir le commentaire, parce que c'est tellement vrai. Eh bien, merci. J'ai vraiment hâte de lire ce merveilleux comics, et on va passer à la geekerie suivante. Et c'est toi, mon cher G, il y a beaucoup trop de G ce soir, mon cher French Geek, qui va t'y coller. Et puis alors là, c'est une geekerie particulière, tu vas nous parler d'un jeu vidéo. Et pas n'importe lequel. Oui, tout à fait, Thierry. vieille ref, hein. Waouh. Alors, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui est un petit peu particulier et qui me tient très à cœur. Il s'agit de Memory, un jeu qui est actuellement développé par ma femme. Et oui. Donc, le pitch de Memory, c'est vous passez les grandes vacances d'été dans la petite ville de Woodland Park. Peu à peu, votre présence va faire ressurgir le passé que la ville et ses habitants espéraient bien être enfoui à jamais. Quel est ce mystérieux passé ? Une belle jeune fille semble être la clé de tous ces mystères, mais arriverez-vous à trouver les indices et à résoudre les énigmes ? Donc, Memory, c'est un jeu qui se passe en 3D, comme vous pouvez le voir sur les deux petites images qui s'affichent à l'écran. Vous avez votre personnage qui est à l'écran, et vous interagissez avec des personnages qui sont aussi dans le jeu. Et c'est donc un jeu d'aventure à la troisième personne, et vous devez résoudre des énigmes. Il n'y a pas d'action à proprement parler, si ce n'est que vous devez vous promener dans la ville, l'examiner, la découvrir petit à petit. C'est un jeu qui est développé pour Windows, puis qui sera ensuite porté sur macOS et sur la PlayStation 4. Et il va sortir, en tout cas au début, uniquement en version dématérialisée. Et ça sera sur Steam, où vous pouvez l'acheter. Il y a la date de sortie prévue, c'est pour le 1er mai, mais ça peut encore changer. On est tout proche de la sortie, en fait. C'est pour ça que je remercie d'ailleurs G de me permettre de faire cette petite publicité pour le jeu. Juste à ce propos, parce que oui. Si je peux me permettre de rebondir, nous, quand c'est des gens bien et des gens qu'on aime bien et que c'est demandé en fait gentiment, les publicités, on est toujours extrêmement ouvert avec ça, parce qu'on aime toujours qu'on nous tende la main. Et donc du coup, bah, étant donné qu'on est des gens qui est bien élevés, tu vois, sincèrement, on essaye toujours, tu vois, de renvoyer l'ascenseur et de tendre la main. Voilà. Mais faut savoir y mettre la manière et ne pas se comporter comme un goujat. Excuse-moi, parenthèse mise à part, je suis curieux de t'entendre parler de ce jeu qui m'a l'air fort sympathique. Fort sympathique. Eh bien, tout à fait, Thierry. Ça fait deux. Hein. Ouais, donc le prix conseillé, c'est 15 $. Et le jeu est en anglais. Il est entièrement en anglais et il y a une tonne de textes. Donc, si vous n'êtes pas bilingue ou si vous n'aimez pas lire de l'anglais, faut passer à côté. En tout cas, au début. Si après, si on a vraiment des bons retours, on essaiera de faire des traductions dans différentes langues. Mais pour la première sortie, pour la sortie en tout cas sur Windows, ça sera au début en anglais. Et il y a une vingtaine d'heures de jeu de prévu. Donc, ça fait beaucoup d'anglais. Et vous pouvez voir actuellement, donc on a une chaîne YouTube, un compte Twitter, page Facebook. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, vous pouvez voir un teaser. Il va y avoir très très très prochainement un trailer, donc une bande-annonce. Le teaser, c'est un truc qui fait moins d'une minute. La bande-annonce sera un petit peu plus étoffée pour plus présenter présenter un petit peu mieux le jeu. Le teaser était juste pour une mise en bouche. Et en fait, donc, ce jeu, c'est l'aboutissement d'années de développement, parce que ma femme s'est occupée quasiment de tout. Au départ, c'est une artiste 3D, donc elle crée des objets en 3D, mais elle a toujours eu la passion des jeux vidéo, et bon, on en parlait entre nous. Au début, on a essayé de faire ensemble un jeu à la Resident Evil, en tout cas sur le principe. Resident Evil et Silent Hill, pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, qui sont différents des films. Et puis, bon, après, donc ses goûts ont un petit peu évolué, et elle adore les enquêtes policières, elle adore enquêter, résoudre des énigmes, et elle s'est dit, bah, plutôt que de faire un jeu d'action, je vais faire un jeu, justement, où il faudra résoudre des énigmes principalement, quoi. Et le but du jeu, si on peut dire, pour nous, non seulement donc c'est de sortir un jeu, mais c'est de pouvoir utiliser le résultat final, qu'on arrive à en vendre 15 millions ou juste 2 exemplaires, c'est pour pouvoir convaincre donc des entrepreneurs de mettre de l'argent dans la compagnie qui a été créée pour développer le jeu, et afin qu'on puisse développer d'autres jeux. Voilà, d'accord. Voilà. Et du coup, alors je m'excuse parce que j'étais en même temps un peu sur le chat. Du coup, il y a une Quoi version. Ouais, je suis désolé, je suis qu'une merde. Il y aura une version en VF ou pas? Non, ils aiment pas les Français. Non, bah non, on n'aime pas. Hein, Du coup, le je ne pas pue, y aller ça. Dessus. Bah. En plus, t'adores le fromage qui pue. Je te suis sur Instagram, donc faut pas me la faire. Hein. On voit régulièrement des bouts de reblochon. Alors, hein. Mais ce soir en plus, parenthèse, ce soir c'est raclette alors, c'est bon. Et c'est quelle heure là, oui, chez toi là du coup? Ah ben là il est 1h de l'après-midi, d'ailleurs j'ai faim. Ouais, tu vois, ce qu'on avait prévu en fait, c'est qu'on aurait peut-être à un moment donné dans la soirée un décalage de ton entre toi, bon, ou c'est l'heure, c'est la fin de repas du midi, et nous on est en train d'entamer la deuxième bière. Donc il se peut qu'à un moment donné il y ait des petites différences d'humeur, de ton. Si on se met à chanter, voilà, ne t'étonne pas, c'est la fin de soirée chez nous. Mais en tout cas, franchement non, en VO je suis trop une burne en anglais, Deadpool, hein, on en est tous là, pour pouvoir me lancer dessus. Par contre en VF, ça m'intéresserait beaucoup, déjà parce que c'est toi et que j'aurais plaisir de pouvoir soutenir ce projet, et parce que je trouve ça dingue, en fait. Tu vois, j'ai regardé les bandes annonces que tu m'as fait passer, les images, les machins, enfin, et tu te dis, putain, que ta femme, elle ait fait ça toute seule, mais je trouve ça incroyable, incroyable, et je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui soient capables d'entreprendre ce genre de trucs et d'arriver à ce genre de résultat. Enfin, voilà, moi, je trouve ça totalement bluffant, et c'est pour ça que je suis super heureux que tu puisses venir partager ça avec nous, et voilà. Pour moi, c'est pas un coup de pub, tu vois, c'est vraiment une expérience de vie que tu partages avec nous, et qui, je trouve ça vraiment génial. Donc, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. En fait, bon, ça c'est le développement, c'est fait sur plusieurs années, justement, parce que bon, d'un côté, faut quand même bien qu'on vive, donc faut qu'on travaille, qu'on fasse de l'argent. Mais elle s'arrêtait 3 mois pour faire de la programmation, 6 mois, etc. quoi. Et c'est aussi pour ça que ça a pris des années. Et donc, notre but avec ce premier jeu, c'est de trouver des investisseurs qui puissent mettre de l'argent dans la compagnie. Et on en a un ici ce soir. Vincent, tu peux nous donner une bonne nouvelle? Je crois que tu as un PEL avec 18 euros dessus. Ouais, c'est cool. Écoute, le jeu fait 15$, ça doit faire 13 euros, je pense, donc il te restera encore de l'argent, Vincent. Mais parfait. En plus, ces 5 euros vont me servir à pouvoir sortir l'argent du PEL, du coup, vu qu'il y a la taxe pour sortir. Attends, ça fait action blanche, c'est parfait. Non, mais franchement, les gars, si. Bon, je comprends bien qu'évidemment, que ça ne vous intéresse pas de jouer à un jeu que vous ne comprenez pas, ça c'est clair. Enquête en français, mais pas simple. Et alors en anglais. Mais Vincent, peut-être. Hein. Ah ouais, non, moi, c'est pas du tout. Ça me gêne pas du tout comme truc, hein. Mais si vous pouviez simplement mettre un pouce bleu sur la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube, au compte Twitter, Facebook, machin, ça nous aide. Ça nous aide dans les référencements, ça nous aide à nous faire connaître, ça permet aussi de discuter puis de dire, vous voyez, on a X abonnés, au lieu de dire, on en a juste 5 ou 10, comme c'est le cas actuellement. Donc, juste ça. On débute aussi. Non. Ben alors, je m'y engage dès demain avec mon compte personnel sur tous mes réseaux sociaux. Je vais faire une salve de partage. Malheureusement, Internet et les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, je doute d'une très très grande répercussion, mais peu importe, le plus important, c'est l'élan du cœur. Putain, c'était beau. On va se quitter sur ça, passez une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Non, mais dès demain, je partage avec le plus grand des plaisirs. Non, mais c'est l'effet boule de neige. Il faut qu'on commence, effectivement, quelqu'un commence le mouvement, et puis petit à petit, ça grossit. Faut espérer. De toute façon, il faut tenter. Alors bon, tu te rappelleras à ce moment-là qu'on j'étais toujours tenu en très grande estime. Et que tout a commencé ici. Hein, ouais. C'est-à-dire que quand tu auras les milliards de Trump, tu peux investir dans quelques micros pour nous. Merci, c'est gentil. Voilà. Et on va pouvoir passer à la geekerie suivante. Et merde, c'est moi qui dois la faire. Et oui. Mais je suis très content de parler de cette geekerie. C'est, j'ai regardé The Thing. Alors, je me suis intéressé à ce film exprès pour cette rubrique, exprès pour cette soirée, parce que la première fois que j'ai entendu parler de ce film, c'est toi, mon cher French Geek, qui m'en avait parlé. Je crois même que tu avais fait une vidéo dessus. Et tu m'avais menacé, puisque je n'avais jamais vu The Thing, et tu m'avais incité à aller le voir absolument et découvrir ce chef-d'œuvre. Et c'est vrai que, alors c'était il y a déjà plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, parce que le temps passe malheureusement. Et en premier, enfin pour un premier visionnage, alors franchement, j'avais pas trop aimé, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le contexte de The Thing, c'est un film qui a été fait en 1982, mon année de naissance. Oh, donc le truc a 37 ans. Donc autant te dire que pour moi, c'est jeune, mais pour un film, c'est déjà vieux. Hein, on va pas se mentir. C'est réalisé par John Carpenter. Au scénario, c'est Bill Lancaster. C'est un genre science-fiction, horreur, suspense. L'acteur principal, je vais pas faire toute la liste, mais c'est Kurt Russell, avec un brushing et une babar comme jamais t'as vu. Incroyable, vraiment un brushing absolument magnifique. Et le pitch, il est totalement génial pour ceux qui ne connaissent pas ce film. En fait, ça se passe en Antarctique pendant l'hiver 82. Et on a une équipe en fait de chercheurs, une équipe de recherche américaine qui a une petite base isolée. Et ils voient arriver vers eux un hélicoptère avec deux mecs à l'intérieur, qu'on saura quelques minutes plus tard que ce sont des Norvégiens, et qui sont en train de pourchasser un chien qui s'enfuit, une espèce de husky, et qui court. Ils essayent de l'abattre. En essayant de l'abattre, ils réussissent surtout à faire péter leur hélico. Il y a un des deux Norvégiens qui meurt. Et le deuxième Norvégien, étant donné qu'il est complètement obnubilé par ce chien, qu'il essaye absolument de l'abattre, il blesse un des Américains, et les Américains répliquent, et il le tue. Voilà. Et donc, tous les Américains de la base... Bon, ils ont réagi en américain, c'est-à-dire que ça tire, ils ont tué tout le monde, hein, que ce soit clair. Voilà, hein, américain, shoot again, hein, j'ai envie de dire. Un petit, ça a tiré très rapidement. Et donc, les Norvégiens sont morts, le chien est recueilli, mais ils se demandent ce qui a bien pu causer ce trouble chez les Norvégiens. Ils décident d'aller enquêter, d'essayer de rentrer en contact avec l'équipe de Norvégiens. Et à des dizaines et des dizaines de kilomètres, dans une base plus loin, ils vont découvrir que cette base est complètement dévastée. Complètement cramée, détruite, et ils vont trouver à l'intérieur un cadavre complètement difforme, une espèce d'être humain en pleine mutation. Ils vont ramener ce cadavre, et là, l'histoire, elle va pouvoir commencer. Le fait est que ce cadavre, les Norvégiens ont rencontré un extraterrestre qui a la particularité de pouvoir parasiter et assimiler toute forme de vie. Et donc, dans cette base américaine, va s'installer une espèce d'énorme tension pour savoir qui est encore humain et qui est déjà devenu un extraterrestre. Et il y a un jeu mortel qui va s'engager entre The Thing, la chose, et Kurt Russell et son équipe. Voilà. Et je dois dire que c'est un film qui est prenant. Alors, le petit point négatif, et c'est ça qui m'avait un petit peu rebuté la première fois, mais c'est une erreur de jeune trou du cul, je tiens à le dire, c'est les effets spéciaux. Pour l'époque, en 1982, les effets spéciaux sont absolument dingues. C'est vraiment, enfin, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, ouah, putain, il y en a quand même quelques-uns qui piquent un peu les yeux. Il faut passer un petit peu outre et se laisser gagner surtout par l'ambiance qui se dégage de ce film. Et une fois que tu es pris et que tu es gagné par cette ambiance, et ben très honnêtement, du coup pour préparer, je l'ai regardé deux fois. Je l'ai regardé il y a trois jours et je l'ai regardé de nouveau cet après-midi. Parce que putain, je l'ai vraiment adoré. Mais voilà, alors pourquoi la première fois ça n'avait pas marché sur moi et pourquoi cette fois-là ça a mieux marché, je ne sais pas. Et après avoir regardé ce film, tout à l'heure tu m'as conseillé d'aller voir la vidéo de Bob Zombie, Amazing Geek, qui sévit également sur YouTube, une chaîne tout à fait merveilleuse, qui entre parenthèses approche les 1000 abonnés à grands pas. Si vous aviez l'aimabilité de lui donner un petit coup de main, un petit coup de pied au cul pour lui faire passer ce cap, ça lui ferait extrêmement plaisir et c'est quelqu'un qui le mérite. Et je vous invite à regarder The Thing, on va en parler un petit peu plus longuement entre nous avant, et surtout à aller voir la vidéo de Amazing Geek, de Bob Zombie, parce que j'ai trouvé, mais comme... toujours, dans ses réflexions qu'il peut avoir sur les comics, sur les films, il a une analyse, mais d'une pertinence totalement dingue, et il réussit en fait à amener un contre-pied total enfin pas un contre-pied total, mais à mettre le doigt sur des éléments sur lesquels je n'avais absolument pas fait attention. Et une fois qu'il a répertorié tous ces éléments-là, eh ben le film, après sa vidéo, eh ben il prend encore une autre valeur. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc rien que pour ça, le travail de Bob Zombie, il est absolument mais capital, génial, et d'une classe totalement dingue. Mais je vais tout de suite céder la parole, mon cher G, pour que tu nous donnes ton avis sur ce film. Oui, bah, je suis un petit peu pris de court, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. En fait, concernant la vidéo de Bob Zombie, j'ai vu The Thing des dizaines de fois. Pendant très longtemps, ça a été mon deuxième film d'horreur préféré, le premier étant le premier Alien. Et puis, ça doit faire une bonne dizaine d'années maintenant que The Thing est devenu mon chouchou, mon préféré. Je l'adore pour son ambiance. Et en fait, contrairement à ce que tu as dit, je trouve que les effets spéciaux ont très bien vieilli. J'adore les effets spéciaux physiques qui étaient faits donc dans les années 60, 70, 80, 90 aussi un petit peu. Mais après, quand ça a été fait au numérique, moi ça me pique les yeux le numérique, parce que soit c'est très bien fait comme dans Jurassic Park et ça tient la route encore 30 ans plus tard, soit, mais c'est l'exception qui confirme la règle, soit c'est relativement mal fait et ça me fait mal aux yeux. Mais bref, pour en revenir à The Thing, ouais, c'est un immanquable. Si vous êtes un fan d'ambiance, surtout, parce que bon, il y a quand même des trucs qui marchent pas très bien. Comme moi, je trouve que le fait qu'il n'y ait que des hommes dans ce film, c'est un petit peu dérangeant. Même s'il y a eu une préquel qui a été faite après, où justement il y avait une femme, mais c'était le seul point positif du film. C'était un film en 2011, je crois, qui reprenait en fait tous les temps forts de l'original, enfin de l'original de Carpenter. Et non, j'adore The Thing. C'est vraiment un film. J'adore son ambiance. Totalement. Du coup, Florent, est-ce que tu as eu le temps de le voir ? Oui. Alors, comment dire ? D'abord, je suis quelqu'un qui aime bien l'horreur, mais plutôt en littérature. J'ai toujours du mal avec les films d'horreur, surtout ceux des années 80. Je ne voudrais pas faire honte à Bob, mais je voudrais dire, par rapport à The Thing, pour moi, c'est un nanar culte. Quand j'entends nanar, ça veut dire que la patte graphique, la patte des effets spéciaux fait que on n'arrive pas forcément à se mettre dans le film. Enfin, moi, c'est, en tout cas, c'est mon problème que j'ai chaque fois. Ça me sort du film, quoi. Et en fait, je n'arrive pas à y croire. C'est toute la difficulté que j'ai par rapport à certains films d'horreur. Je sors du film. Ça n'arrive pas que pour les films d'horreur, d'ailleurs. Ça arrive pour certains films. D'ailleurs, le dernier... j'arriverai plus à trouver. Mais bref, je passe sur autre chose. Mais il y a des films effectivement où je sors parce que je n'arrive pas à y adhérer. C'est un problème de vraisemblance par rapport à moi. Il y a quelque chose qui fait que je sors du film et donc je me retrouve en tant que spectateur et je vis plus l'action. Alors The Thing, je trouve que c'est un nanar culte parce que effectivement c'est un nanar de qualité. Quand je dis nanar, c'est affectueux, hein, parce qu'il y a énormément de films que j'adore et qui sont des nanars, c'est-à-dire qui ont été descendus à l'époque par la critique, mais qui en fait sont devenus cultes par leurs propos. Je dirais qu'il y a des choses qui pêchent au niveau de la réalisation, au niveau des effets spéciaux, qui font que le film, quand on le voit maintenant, pique aux yeux, mais quand on le voit à l'époque... franchement, je pense que c'était, ça tenait vraiment la route. Le fait est que pour moi, ça marche pas parce que je sors trop du film. Je n'y arrive pas à y adhérer et je me retrouve toujours devant ce dilemme, en me disant je suis devant quelque chose qui, le propos me parle, l'ambiance me parle, mais je n'y suis pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'y suis pas dedans. Je ne le vis pas. Et surtout, c'est ça qui est important dans l'horreur, c'est qu'il faut le vivre. Il faut y être dedans. Il faut être surpris. Il faut sursauter. Il faut être, avoir peur. Et le problème, c'est que j'ai peur, mais à moitié. J'ai peur, mais je me dis, ah, c'est un peu téléphoné. Ah, je le vois. Ah, je... Voilà. Je ne suis pas dedans totalement. Et ça, ça nuit effectivement à la qualité intrinsèque du film. C'est pour moi, le... pas forcément le fait du film, c'est moi, mon travers, c'est-à-dire que j'ai une puissance, enfin, je dirais, la littérature m'apporte de l'imagination beaucoup plus importante que les images. Les images, pour moi, sont déjà un frein par rapport à la littérature. Et je trouve que ça me donne beaucoup plus d'émotion à lire parce que je me fais mes propres images qui sont forcément personnelles et donc forcément, elles me parlent plus, elles me font plus frissonner que les images que quelqu'un me propose avec les effets spéciaux, avec la patte de l'année 80, des années 80, etc. Voilà, c'est juste le bémol que je vais apporter. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Florent, est-ce que tu as lu la nouvelle dont est tiré le film et est-ce que tu as lu le roman qui est adapté du script du film ? Non, je n'ai pas lu Campbell, je n'ai pas lu l'œuvre, c'était un roman original, je crois. Après, j'ai pas lu du tout de ça, non. Ou alors, je l'ai complètement oublié. Ça aussi, le problème, c'est que j'oublie facilement ce que j'ai lu, parce que j'ai beaucoup lu et j'ai tendance à oublier aussi. Donc, je ne sais pas, je m'en souviens absolument pas. Mais effectivement, ça ressemble. Alors, je pense que beaucoup de livres que j'ai lus après, ou de nouvelles surtout, que j'ai lus après, ressemblent effectivement aux propos du film. Hein. La menace invisible qui est là, qui pèse et qui décime tout le monde. C'est quelque chose qui est jusqu'à Predator, hein, d'une certaine manière. Predator vient peut-être de là, tu vois ce que je veux dire. C'est, d'une certaine manière, c'est ça. Hein. Mais il y a du Lovecraft, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont prégnantes. Mais bon, j'ai ce petit bémol, surtout face à des œuvres qui me présentent une image figée qui pour moi me dessert parce que effectivement je vois les effets spéciaux, je vois la mise en scène et forcément je sors du film. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire là, la nouvelle date des années 50 et c'était à l'époque, donc c'était le communisme rampant, la cinquième colonne, tout ça, et le film original, donc était un vieux film en noir et blanc, reprend vraiment cette thématique qui était constante dans les films d'horreur de l'époque, où c'était des pauvres Américains attaqués par les méchants Russes, sournois, qui essaient de s'infiltrer par tous les moyens. Quoi. Sauf que dans le remake fait par Carpenter, on oublie un petit peu ça, heureusement d'ailleurs. Et si t'as pas vu la vidéo du coup de Bomb Zombie sur The Thing ? Non, je l'ai pas vu encore. Alors. Moi, je te compte, parce que étant donné que tu es joueur d'échecs, je t'invite à aller la voir. Et à mon avis, il y a des trucs, ça te fera peut-être pas changer la vie, ton avis sur le film, mais il y a forcément des trucs qui vont t'interloquer. C'est certain. Et vous, Glegov, du coup, vous l'avez vu ce film ? Non, comme je te disais, j'ai toujours vu en fait des morceaux. Non, mais genre quand j'étais jeune, tu vois, c'est le film qui passait genre à M6 ou quoi, et puis à chaque fois je tombais dessus un peu à l'arrache. On n'avait pas Netflix à l'époque, merde. Et je tombais comme ça dessus, je voyais un gros morceau, et puis j'ai toujours dit que c'est un film que je dois regarder, je ne me suis jamais mis, mais là je vais m'y mettre. Je vais profiter du confinement. Et t'as bien raison. Et toi, du coup, mon cher Darmon ? Non, moi je ne l'ai pas vu. Et toi qui es peut-être tout seul dans ton appartement ce soir, si tu as l'occasion de regarder The Thing, en plus, toi, surtout pioncé. Et t'aimes bien en plus Lovecraft, et c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse ambiance Lovecraft, on peut le dire, et tout à fait. Et du coup, à mon avis, tu risques de bien adhérer. Voilà, c'est tout à peu près ce que j'avais à dire là-dessus. Ça parle de Predator, ça compare aussi un peu à Predator dans le chat. Ouais. Kurt Russell est moins musclé que Schwarzy. Et je préfère quand même Predator. C'est pas du tout le même genre. Parce que Jérôme comparait du coup à l'invasion communiste. Et Predator, c'est vrai que c'est un peu une allégorie de la guerre du Vietnam. C'est beau. Ouais. Si tu veux. Voilà. Je vais te dire. C'est pas du tout inintéressant. Bob Zombie, si tu veux nous faire une vidéo là-dessus. Nous sommes preneurs. Mais en attendant, mon cher Darmoun, c'est toi. Hein. Du coup, tu vas entamer ta seconde et dernière geekerie. Tu vas nous parler d'un petit manga. Ouais, et là, du coup, maintenant... Ou pas, dis-le si on t'emmerde, hein. Vas-y. Mais comme je vous ai dit avant l'émission, du coup, je regrette mon choix. Ah, merde. Parce que je vais vous parler du manga qui s'appelle Last Hero Inuyashiki de Uroya Oku. Et donc, c'est l'auteur, notamment, du célèbre manga Gantz, qui est assez gros, qui doit faire plus de 20 tomes, je crois, de mémoire. Enfin, c'est un truc assez monstre. Et alors, de quoi ça parle? Ça parle d'un vieux qui s'appelle Ichiro Inuyashiki, qui a plus de la cinquantaine et qui est pas du tout, comment dire, qui est pas du tout un modèle pour sa famille, qui est un peu une victime entre guillemets, c'est méchant à dire, mais c'est un peu ça, simple employé, pas trop de responsabilité, pas d'argent, un peu pauvre et qui est que tout le monde méprise, qu'on peut écraser assez facilement. Et ce qui se passe, c'est que il apprend qu'il va avoir, qu'il a un cancer, qu'il va mourir, et il veut se consoler un peu, il veut essayer de retrouver un peu de bonheur, et donc il adopte un petit chien. Et un jour, alors qu'il part en balade avec son chien, j'ai mal à la gorge, je suis désolé. Alors qu'il part en balade avec son chien. Il se retrouve, il est frappé d'un phénomène un peu bizarre qui le transforme complètement en robot, mais qui a quand même son apparence, etc. Quoi. Comme si c'était en fait une entité qui avait pris sa place, mais juste avec lui physiquement, et donc sa personnalité à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est qu'il arrive la même chose en fait au jeune homme qui était juste à côté de lui, un lycéen. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va vouloir un peu devenir un héros, alors que, à contrario, le jeune homme, lui, va plutôt devenir un connard, en fait. Et ça fait un contraste, en fait, entre les deux, qui ont du coup les mêmes capacités, les mêmes dons et les mêmes possibilités, et un qui veut faire le bien et un qui veut faire le mal. Et pour dire pourquoi je regrette peut-être un peu mon choix, c'est que j'avais lu 4 tomes, j'étais bien emballé. Je trouvais que c'était vraiment bien maîtrisé. La dualité entre les deux personnages était très intéressante. Le contraste des motivations, des agissements, des actions, des choses comme ça, était bien amené. C'était bien construit. C'est super beau. Et en fait, dans le tome 5, il se passe exactement le contraire de tout ce qui faisait la force du titre, selon moi. Un gros revirement de situation. Un gros demi-tour à 180 degrés qui fait que ça me casse un peu les couilles parce que c'était ce que je trouvais être le point fort du titre et que je sais pas si ça continue comme ça ou pas, mais si ça va vraiment dans la direction que ça semble prendre, eh ben je suis dégoûté parce que je trouve que sinon le titre il perd finalement tout ce qui faisait sa qualité et tout ce qui faisait son charme. Donc maintenant, je suis dubitatif. Donc je suis un peu dégoûté d'avoir choisi d'en parler parce que, à 2 heures près, eh ben, j'avais pas du tout la même vision du titre. Voilà. Surtout qu'il y a 10 tomes, quoi, du coup. Ouais. Donc, ouais. Mais non, mais c'est. Tu lâches au troisième. Comment dire ? Pour développer un peu, mais sans trop avancer, pour pas donner trop de spoilers ou quoi que ce soit. Le vieux, en fait, ça s'appelle l'Astéro parce qu'il va décider de faire le bien, de soigner les gens, de devenir un peu un super-héros, entre guillemets. Alors que le jeune, il n'est pas... comment dire ? Le jeune, il est dans une autre philosophie. La première scène qu'on voit avec lui quand il a ses pouvoirs, il va tuer... en fait, il va tuer une famille de sang-froid. C'est une des premières scènes du... Soit c'est la fin du tome 1, soit c'est le début du tome 2, donc on le voit assez vite. Et en fait, ça part un peu là-dessus, enfin, ça partait sur ce postulat dans les 4 premiers tomes. Il y a un gros potentiel, et voilà, je ne vais pas dire quoi, mais le revirement à 180 degrés fait que, bah, pour moi, ça perd tout. C'est-à-dire qu'on passe d'un titre qui a des convictions intéressantes et un postulat qui peut amener vraiment très loin et assez on va dire, nouveau, enfin inédit, à un truc qui va complètement rentrer dans le rang et qui va complètement rentrer dans le déjà vu en fait. Donc du coup, bah voilà. Donc c'était un peu c'était un peu. Enfin, là, pour le moment, j'ai un peu les boules, donc je vais continuer à lire demain et j'irai au bout des 10 tomes de toute façon. Mais je serais un peu frustré parce que ça m'a fait naître une grosse hype qui est retombée en à peine, 5 pages, quoi, même pas. Ah. C'est violent. C'est pas beaucoup. Et on a Aurélien Gabarella qui nous dit chat que la plupart des critiques vont dans le sens que tu évoques. Ah bah du coup ça me fait peur. Je sais que moi j'ai pas lu Gantz. Je sais que beaucoup de gens trouvent que Gantz fait partie des grands mangas, mais il fait partie de ces mangas dont la fin n'est pas considérée comme satisfaisante. Beaucoup de gens ont décrié la fin et beaucoup de gens du coup rejettent un peu Gantz parce que pour beaucoup, tout aurait été un peu gâché à cause de la fin, quoi. Donc, toute ton œuvre majestueuse, tu fais une fin de merde, forcément, bah, les gens restent dessus, quoi. Et je sais que Hiroya Oku, déjà, il a eu beaucoup de mal, finalement, à sortir de Gantz, parce que ça a vraiment été son œuvre majeure. Après, il y a eu beaucoup de sortes de one-shot de Gantz qui ont sorti. Certaines tentatives de titres qu'il a fait n'ont pas forcément porté ses fruits, mais ça, c'est le cas d'énormément de grands mangaka, donc c'est pas non plus quelque chose de négatif, hein. Il y en a plein qui se sont plantés même après ou quoi, donc c'est pas quelque chose que je juge. Mais du coup, je me dis, si on est dans le même système un peu de Gantz ou quoi que ce soit, et qu'après la fin devient un peu foireuse et tout, bah c'est vrai que c'est toujours frustrant, quoi. Et ouais, donc je suis curieux, j'attends de voir, mais maintenant, j'ai moins d'impatience à enchaîner les tomes, quoi. Tu vas quand même continuer, du coup. Ouais, je vais aller au bout parce que j'ai les 10 tomes et que tu l'as dans le cul. Et j'ai commencé. Et voilà. Et voilà, ouais, maintenant que t'as balancé 79€, ben voilà. Mais non, mais si j'avais. Comment dire si j'avais acheté les trucs, au 5, je me serais bon. Il faut quand même que je lise le 6 pour voir si ça continue dans ce sens-là. Et si au 6, ça continue comme ça, j'aurais stoppé. Parce que c'est. Ouais, enfin pour moi, ça rentre vraiment dans les très bons mangas que j'ai lus. Si ça croche comme ça va être dans le panier lambda, quoi, dans les titres lambda, quoi. Et ben, alors, est-ce que quelqu'un a lu ce manga? Non. Non. Ah, je l'ai tenté quand même, mais je pensais bien que ce serait cette réponse-là. Mais bon, bah du coup, tu m'as pas donné envie de le lire, hein. C'est sûr que je vais pas, voilà. Et petite question. C'est à 2 heures près. Enfin, j'ai fini de lire le tome à 20h30, un truc comme ça. Prochaine fois, on fera l'émission à 16h. On la fera au goûter si tu veux. Non, mais c'est purement ça. C'est pour ça que ça m'emmerde un peu parce que. Vaut mieux à la limite. Jusqu'à 20h et que je commence le tome 5, j'étais hypé de ouf là. T'aurais donné envie aux gens de l'acheter. Est-ce qu'il est possible que ça devienne dingue après? Ouais. Franchement, je pense pas. Parce que non, mais le demi-tour à 180 degrés, c'est vraiment une facilité. C'est un énorme changement, un énorme impact par rapport à ce qui a été mis avant. Et ça a été mis en place en à peine, mais quand je dis 2-3 pages, c'est vraiment ça. Et c'est d'une facilité monstre. Et du coup, ça rentre complètement dans les codes de... De développement classique lambda. Donc c'est-à-dire que même la fin du tome 5, quand j'ai vu certains trucs, je me suis dit on se dirige complètement là-dedans. Dès le tome 6, si je sais comment ça se passe, c'est fini. Ça veut dire que ça sera pas rattrapable, c'est impossible. Ou sinon ça sera vraiment du pour toi qui es héroïste, ça sera vraiment du ta gueule, c'est magique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça. Donc c'est beaucoup trop gros, mis en place d'un coup de massue, et c'est d'une nullité, c'est ça qui est frustrant, c'est ça qui est chiant. Et étant donné que c'est chez Kiyun, on a toujours droit aux petites couvertures en faux cuir? Non, ça c'est que leur édition, c'est que l'édition prestige des œuvres de Lovecraft. Mais Kiyun... D'accord, mais tout à l'heure, alors tu vas peut-être pouvoir me renseigner, quand je suis passé récupérer mon colis à Débuler des Hommes à Saint-Etienne, excellente librairie, qu'on n'hésitait pas à les appeler et à commander chez eux, j'ai vu un Kiyun avec une couverture violette, mais évidemment, je ne me suis pas approché. C'est le dernier Gutanabe, ça. D'accord, et comment il s'appelle celui-là? La couleur du ciel, je crois. Oh, putain, j'ai là en roman. Je l'ai pas lu. Je crois que c'est ça. D'accord, ok. La couleur tombée du ciel. Ouais, voilà, ouais. Ok, bon, bah hein, écoute. Ça fait des sacrés beaux bouquins, entre parenthèses, hein, ouais, dans cette collection. Là, c'est un truc, c'est vraiment des éditions un peu précises, enfin vraiment travailler, etc. La Styro, ça rentre dans leur gamme manga classique, hein, c'est-à-dire les tomes sont, sont genre à 7 balles, enfin 7-8 balles, les trucs comme ça, du prix classique. Et c'est le même format que leur My Hero Academia, etc. quoi. Et d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas tant que ça, mais parce que c'est vrai qu'on parle un peu moins manga, mais Kiyun est finalement un petit, hein, c'est un petit éditeur, c'est un éditeur qui est assez jeune, qui est assez récent, comment dire, qui a une grosse licence avec My Hero Academia, qui est du coup une des licences les plus vendeuses actuelles, notamment au Japon. Et pour les gens qui veulent, c'est pas si vous voulez, mais sur les réseaux sociaux, ils sont ultra accessibles et ils sont ultra à l'écoute, des fois, que ce soit si vous avez des retours sur les titres ou des machins, ils essaient toujours de prendre un peu en compte les retours des lecteurs, ils répondent régulièrement aux questions et ils font aussi un peu des. Enfin, moi, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu, mais il y a une époque, ils faisaient un peu ils cherchent un peu des tweets, ils faisaient des recommandations aux gens, quoi. Donc, que ce soit de leur catalogue ou non, c'est-à-dire que quand il y avait des gens qui faisaient j'aimerais bien lire ça, les mecs qui répondaient, quoi. Donc, c'est vraiment. C'est une belle initiative, je trouve, et puis, voilà, quoi. Eh bien, c'est un petit éditeur, c'est toujours bien de mettre en avant le taf, quoi. Bien, merci. Et je me rends compte au fil de l'émission qu'on a des kikris un petit peu atypiques. Et on va continuer. Puisque là, cette fois-ci, c'est toi, mon cher Flo, tu vas nous parler d'un dessin animé de TF1. Et là, je t'écoute. On est curieux, là, quand même. Ah, écoute-moi bien, tu vois. Je pose mes deux mains à chaque côté de mon bureau et je vous écoute, monsieur Bull. Je vous écoute. Il faut m'expliquer. Parle-nous de Miraculous. Écoutez, au revoir. Non, alors. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Durant le confinement, j'ai été confiné en quatorzaine pendant 15 jours donc, avec ma petite famille, puisque ma femme, malheureusement, a été malade pendant, et tout va bien, ne vous inquiétez pas maintenant. Mais bon, effectivement, j'ai fait l'école à la maison, je m'occupais de mes petites filles, donc j'ai des jumelles de 8 ans. Oui. Oh putain, on a perdu Flo. Ouais. On a perdu. À jumelle de 8 ans. Allô, Houston. Et il s'est rappelé qu'il avait des enfants. Il s'est dit merde, mes enfants. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, on t'entend. Ouais, ça y est, vous m'entendez. On s'est arrêté à jumelle de 8 ans. Excusez-moi. Ouais, donc je disais, oui, j'étais donc confiné avec mes jumelles de 8 ans, je faisais l'école à la maison. Et pendant les périodes de récréation, elle regardait la télé. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais donner une seconde chance. Oui, parce que je suis comme ça. J'aime bien donner une seconde chance à Batman Metal. Batman Metal, j'ai les 3 tomes à la maison. Je m'étais arrêté au milieu du 2e tome, tellement pour moi, c'était compliqué à lire. Et donc, et donc, je me suis dit, je vais donner une deuxième chance, effectivement. Et donc, voilà que je commence à lire Batman Metal pendant que mes filles regardent la télé. Et elles regardent Miraculous, les aventures de Ladybug et de Chat Noir. Et moi, bien sûr, je prête l'oreille en lisant Batman Metal. Et petit à petit, la musique, le propos, ce qui se passe à l'écran m'attire de plus en plus, beaucoup plus que Batman Metal. Et puis, je ferme Batman Metal. Je n'ai pas eu vraiment très... Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à faire ça. Et je suis mis devant Miraculous. Et j'ai vu donc une série qui m'a tout simplement... ravi de joie. Je me suis vraiment éclaté à regarder une série qui cible les jeunes filles, les jeunes ados, pré-ados, de 8 ans à 14 ans, on va dire, tout simplement. Donc, j'ai 46 ans, je ne suis pas du tout la cible de ce genre de programme, mais pourtant, j'ai pris un énorme plaisir à regarder cette série. Alors, cette série, c'est quoi ? C'est d'abord une série française créée par Thomas Astruc, Cocorico. C'est une série qui a été produite par la Corée, le Japon et la France, donc en partenariat. Il y a trois saisons pour l'instant qui sont diffusées sur TF1, Nickelodeon, Netflix et même Disney+. Donc, c'est une série qui se déroule à Paris. On suit les aventures de Marinette, une jeune fille de 14 ans, qui est un peu maladroite, qui est fille d'une boulanger et d'une mère asiatique, et qui s'y transforme en Ladybug, une super héroïne avec un costume rouge à points noirs, avec un yo-yo magique. Vous vous rendez compte, un yo-yo magique qui lui permet de se déplacer un peu comme Spider-Man. Et elle fait souvent équipe avec un individu qui s'appelle le chat noir. Moi, je suis rentré totalement. Alors, franchement, c'est simple. C'est simplement quelque chose fait pour les enfants. Mais j'ai pris un kiff à regarder ça. Pourquoi ? Parce que j'ai vu plein de références. Plein de références aux comics. Plein de références aux Magical Girls. J'ai vu quelque chose de moderne. Quelque chose qui reprenait un petit peu les codes de la pop culture. Vous avez du Spider-Man, vous avez du Batman. À un moment donné, même, il y a une référence à Watchmen. Messieurs, mesdames, une référence de Watchmen dans un dessin animé pour les enfants. Vous vous rendez compte, à un moment donné, il y a le directeur de l'école qui se prend pour le hibou. Et il est en train donc de devenir un super-héros avec des petits gadgets à la con. Et en fait, il sauve des petits chats dans les arbres. Et vraiment, il ressemble au hibou du Watchmen, quoi. Et vraiment, ou un peu de Batman, puisque c'est tiré de Batman, tout ça. Mais en fait, voilà, il y a énormément de références. Il y a un personnage qui s'appelle Carapace et qui ressemble aux Tortues Ninja. Vous le voyez un petit peu là dans ce qu'on voit comme image. Bref, la question que je me suis posée, pourquoi je prends du plaisir à regarder un dessin animé qui est fait pour les enfants et que je suis en train de lire un ouvrage qui est fait pour les adultes, entre guillemets Batman Metal, et que je n'arrive pas à lire. Et je me suis posé tout simplement cette question. Pourquoi je prends du plaisir à quelque chose qui est simple, quelque chose qui est efficace, et quelque chose qui me paraît ampoulé, quelque chose qui me paraît complexe, qui me paraît même véhiculer aucun message positif, quoi que ce soit. Et donc, je me suis tout simplement dit, Florent, arrête de réfléchir, prends le plaisir tel qu'il est, tu prends du plaisir à voir un dessin animé qui est fait pour des enfants, prends du plaisir tout simplement. Et je vous invite à tout simplement arrêter de réfléchir à dire que c'est un dessin animé pour les enfants et à prendre le plaisir tel qu'il est, même si ce n'est pas pour vous. Si vous trouvez que c'est pas mal, c'est sympa, allez-y. Si vous trouvez que c'est fait pour vous normalement et que ça ne vous parle pas, ben ça ne vous parle pas, passez votre chemin. L'important, c'est ce que l'on ressent. Alors, c'est forcément subjectif. Objectivement parlant, la série qu'on me propose TF1, c'est quelque chose qui est bien animé, qui est bien fait, qui est bien rythmé. On retrouve un petit peu les trucs de Magical Girl. Je ne sais pas si vous connaissez les Gigi, les trucs comme ça qui sont vieux pour moi. Des choses qui sont effectivement un petit peu japonaises et on retrouve un petit peu aussi les codes des super-héros. Tout simplement, tout ça, c'est un beau mélange. Ça se passe en France. On voit la Tour Eiffel, on voit des Français, on voit le maire de Paris, on voit plein de choses comme ça. Et bon, tout le sel de la série, c'est une intrigue amoureuse. Marinette qui devient Ladybug en secret et Chat Noir qui devient, Adrien qui devient Chat Noir en secret. Les deux ne connaissent pas qui ils sont dans leur alter ego. Et Marinette est amoureuse d'Adrien et Chat Noir est amoureuse de Ladybug. Mais comme ils ne savent pas qui est qui, eh bien, c'est le sel de la série. C'est ce qui fait que mes filles se mettent à quatre pattes quand elles voient un éventuel bisou qui va arriver. Et voilà, j'ai pris un réel, réel plaisir à voir avec ça avec mes enfants. Et j'ai pris plus de plaisir qu'à lire Batman Metal. Et je me pose une question. Qu'est-ce que c'est que la geekerie ? Qu'est-ce que c'est qu'être geek maintenant ? Est-ce que ce dessin animé-là, qui est fait pour les enfants maintenant. Et je vous rappelle que les comics étaient faits pour les enfants il y a 50, 60 ans. Puis ils sont devenus des choses pour les jeunes adolescents, puis pour les adultes. Est-ce que Ladybug, par exemple, pourquoi pas, elle pourrait évoluer ? Pourquoi pas reprendre quelque chose dans un truc un peu plus mature ? Est-ce que mes filles qui ont 8 ans maintenant, dans 10 ans, elles ne vont pas vivre ou lire les aventures de Ladybug qui a évolué, qui est devenue grande, qui a donc des préoccupations de grand, qui est devenue adulte, qui a donc des préoccupations d'adulte avec des enjeux plus adultes. Pourquoi pas ? C'est quoi la geekerie ? La geekerie, elle se joue tous les jours dans ce que l'on nous propose. Et même, je dirais, produit qui a l'air commercial, qui a l'air complètement fait pour les enfants et pour les produits dérivés, eh bien, Kyle est bien fait. Kyle est très bien fait, qu'il prend, en fait, tout ce qui a été fait auparavant et qu'il le digère et qu'il le retrace à sa sauce, eh bien, ce devient un produit beaucoup plus intéressant que l'on peut ne croire. Et tout simplement, j'ai pris du plaisir. Et je voulais vous le partager. Voilà. Ah, tu m'as bien fait fermer ma gueule. Non mais putain, c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'arrives avec Miraculous et voilà, et en 5 minutes et ben il m'a vendu le truc et voilà. Alors par contre, j'avais pas réalisé parce que moi j'ai un fils de 8 ans et le petit de 6 ans et j'avais pas réalisé mais le titre, il prononce pas le nom du dessin animé, mais Ladybug et Chat Noir et ben ils jouent à ça. Ouais, ils connaissent, ouais. Ils connaissent. Et du coup, bah, c'est effectivement, si je dis pas de bêtises, c'est sur Netflix qu'ils doivent le voir, parce que du coup... Alors sur Netflix, il n'y a que la saison 1. Alors, d'accord. La saison 1 pose les principes. Pour voir la saison 2 ou voir la saison 3, il faut voir sur TF1. Dans Disney+, il y a la saison 2. Saison 2 qui est beaucoup plus intéressante parce qu'effectivement, il y a des nouveaux personnages, dont Carapace, dont Renard Rouge, dont Buckqueen, Bequeen, pardon. Il y a plein de personnages et il y a vraiment une densité, une gravité qui apparaît parce qu'on parle quand même d'une personne. Donc pour vous, il y a un papillon, il y a le personne qui représente le mal, il s'appelle le papillon. Je ne vais pas vous spoiler la série, mais bon, en fait, il veut récupérer les Miraculous pour avoir le pouvoir ultime, pour en fait sauver sa femme qui est morte, enfin qui est en tout cas dans un sommeil très profond, et il veut la sauver. Donc, le méchant même poursuit quelque chose de noble. Le message de Miraculous est adapté au message des enfants, c'est un message antiraciste, c'est un message qui montre par l'exemple que les personnes même qui peuvent nous paraître mauvaises, ont parfois des bonnes intentions, ou en tout cas ont une souffrance qui les amène là où elles en sont. Ça nous en prend donc la tolérance. Eh bien, je vous dis, ça fait vraiment plaisir à voir des choses assez simples, mais assez efficaces. Et par contre, quand je le vois par rapport à Batman Metal, qu'on m'a survendu, et qui est un événement extraordinaire pour nous, les amateurs de comics, eh bien, j'ai lâché Batman Metal complètement. Et je suis franchement pour Miraculous. Alors, je vais clairement... choisir mon camp, Batman Metal, c'est de la merde. Voilà, alors après, maintenant, cette information, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez éventuellement y adhérer ou pas, repartir avec ou non, mais moi, Batman Metal, ça m'est complètement tombé des mains. Abstraction faite de ça, ce que je trouve très intéressant, c'est ce que tu dis, nous, quand on était gamins, enfin, moi, c'est vrai que c'était l'époque Récréa 2, ensuite le Club Dorothée, et puis, ma foi, les dessins animés qu'on avait, c'est ça qui nous a ouvert les portes aussi vers la lecture, vers un petit peu le monde de l'imaginaire et tout ça. Et je pense que c'est ni plus ni moins, ouais, effectivement, ce qui est en train de se passer avec tes enfants. Et peut-être que ça aura ou non une continuité plus tard. Enfin, après, ça dépend vraiment des gens. Tu vois, Je cite souvent cet exemple-là, mais mon frère et moi, on a eu la même éducation, on a 5 ans d'écart, on a à peu près regardé les mêmes trucs à la télé, et mon frère est pas du tout BD, comics, manga, c'est pas du tout un truc qui l'intéresse, quoi, tu vois. Il est plus Ligue 1, Champions League, et c'est absolument pas un jugement de valeur, hein, parce que les deux sont très bien, mais après, qu'est-ce qu'à un moment donné... va percuter dans la tête et dans le cœur de quelqu'un pour, à un moment donné, l'emmener, le marquer sur des années et des années. Ça, après, c'est vraiment propre à chacun. Et voilà. Mais par contre, c'est une bonne chose qu'il y ait quand même des dessins animés qui véhiculent de bonnes valeurs et qui soient... voilà, que ce soit quand même sympa. Après, tu vois, là, nous, on a profité du confinement. Je fais une petite parenthèse... du coup, sur ma vie, pour vraiment... Parce que du coup, étant donné qu'il y a l'école à la maison et que c'est pas vraiment la vraie école, on a décidé aussi, tu vois, de beaucoup plus axer sur la lecture. Du coup, on lui a fait lire son premier roman. Alors, bon, faut forcer un peu, tu vois. Un roman, c'était Charlie la chocolaterie. Mais voilà. Et là, du coup, il est en train de commencer... il a 8 ans également, mon grand. Il est en train de commencer sa première série de manga. Et on est en train de lui faire lire... Dragon Quest, la quête de Dai. Ah ouais. Mon truc de référence à moi quand j'étais ado. Et, ouais. Et ma femme adore aussi ce manga, et on prend un plaisir mais génial, tu vois, le soir il nous demande s'il peut, là, en plus on a période de vacances, s'il peut veiller un petit peu, donc on lui dit oui, il se met dans son lit, et puis il bouquine, après on parle de l'histoire, de ce qu'il a lu, comment lui il l'a compris, comment nous on l'avait vécu. Ouais. Là il voit des personnes, là il est dans un moment donné, il est au tome 6 où il voit des personnages mourir, mais nous on sait qu'ils sont pas réellement morts. Et on le voit, tu vois, se prendre dans cette émotion et se dire « Oh là là, Yunkel, il est mort, mais, enfin, c'est, je l'aimais beaucoup, c'est dommage, il avait une sacrée armure. » Et tu le sais pas, mais dans quelques pages, quelques tomes, tu vas le voir revenir et ça va être fantastique. Et enfin, c'est des sacrés bons moments. Et cette période de confinement, il faut voir le positif dans toute chose, même si parfois c'est pas forcément évident. Pour le coup, nous on n'a pas vraiment à se plaindre, tu vois, de cette période là et parce qu'on a eu ça s'est superbement bien passé pour nous. On peut se mettre une main à la tête et l'autre au cul. On a beaucoup de chance, alors que dans certaines familles c'était peut-être un petit peu plus compliqué, et ça nous a permis de faire des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire. Et enfin, c'est une période très intéressante, et je pense qu'elle marquera beaucoup d'enfants et de familles sur le long terme. Alors ça n'a rien à voir avec Miraculous, vous allez me dire, mais ce qui me permet quand même de rebondir sur ce que tu disais, qu'est-ce qu'une geekerie? Eh ben, je sais pas ce qu'est une geekerie, mais en tout cas dans ma tête, et après je laisserai plus Spider-Mat et Vincent développer ça, mais en tout cas, moi, c'est, en tout cas pour cette émission, une geekerie, c'est qu'est-ce qui te fait kiffer en ce moment, tu vois? Voilà. Ouais, si t'as, ouais, la dernière fois, on avait Vanessa qui nous avait dit oh, putain, mais j'ai envie de parler d'Alexandre Astier. Mais feu, ouais, mais fais-toi plaisir. Il n'y a aucun problème. Du moment où il y a une émotion pour parler de quelque chose et qu'il y a un fond, il y a un sujet, et ben allons-y. Tu vois, quand j'ai vu Miraculous, j'ai vu surtout le logo T'es fou et My TF1, j'ai dit oh la vache, putain, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais bon, en même temps, je connais un peu le personnage, tu vois, qui vient avec cette geekerie. Et allons-y, allons-y. On n'est pas là pour faire de l'audimat et du chiffre. Et tu vois, on en ressort avec une belle histoire et que des choses intéressantes. Voilà. Et que j'aime beaucoup. Et de cette épisode. Et j'ai beaucoup parlé, je m'en excuse et je vous passe la parole, mon cher Spider-Man. Alors, merci. J'ai pas vu Miraculous. Je suis désolé. Tu n'as pas vu Miraculous. Ouais, mais le petit est petit encore pour regarder les dessins animés. Non, mais du coup, mon neveu il a 6 ans. Ça irait pour lui? Oui. Alors, si je peux me permettre. C'est un peu jeune. Hein. Vous... 6 ans, c'est un peu jeune, ouais. Vous avez mon chat qui est très fort et qui a réussi à ouvrir la porte avec ses petites papattes. Oh, c'est mignon. C'est vraiment ciblé pré-ado avec des problèmes, des mois d'adolescent. Est-ce que je fais un bisou ou pas un bisou? Ça, c'est ça. Et puis, il y a toujours une transformation qui est redondante. C'est effectivement vraiment pré-ado, hein, je dirais 8-14 ans. Mais par contre, le fond est intéressant. Et vraiment, ça a digéré un petit peu toute la culture populaire. Et ça se passe en France aussi. C'est quelque chose d'intéressant aussi. On voit la Tour Eiffel, ce genre de choses, c'est intéressant aussi pour ça. Mais bon, voilà, je te laisse passer. Excuse-moi, j'ai trop parlé. Non, mais c'est tout. Je sais pas si je vais vous demander de nous donner votre avis sur Ladybug et Chat Noir. French Geek et Vincent, je sais pas. J'aime beaucoup les chats. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les ladies. Après. Moi, tous, vous écoutez parler tous les quatre, j'ai l'impression que du coup, 25 ans, je pense que je suis trop jeune, du coup, j'ai l'impression. Ah 14, 25, t'es pas loin. Mais ouais, 15 ans de différence. Ça. Non, mais moi, j'aime bien, comment dire, le revirement de situation. Tu vois, genre, je lisais Metal, donc du coup, j'ai fini devant Miraculous. Voilà, quoi. La magie de la vie. La magie de la vie. C'est beau. C'est beau. Non, mais c'est. Ouais, mais c'est. Enfin, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est cet aspect, on va dire, tranche de vie, entre guillemets, de se dire ah, bah ouais, bah, j'étais en train de faire tel truc, et je finis devant Miraculous, et des fois, il y a des trucs qui se passent, on ne sait pas d'où ça vient. Moi ça avait fait pareil, quand il y avait les championnats du monde de bûcheronnage à la télé. bah, j'aime bien. Mais non, mais. je suis tombé dessus par hasard. Non mais c'est fou parce que du coup, je suis tombé dessus. Au début, je faisais vite fait un tour des chaînes avant de mettre autre chose. Et je crois que c'était même de laisser la télé. Puis je suis tombé sur les championnats du monde de bûcheronnage et j'ai été pris. C'était tellement impressionnant que j'étais à fond comme ça. Les mecs, c'est des monstres. Et du coup, j'ai pas laissé la télé. Non, mais attention, là, je veux quand même préciser une chose. Pour ceux qui ont vu Les Tortues Ninja, la première série télé, elle était ciblée enfance. Elle était ciblée pour les enfants. Ouais. Pour ceux qui ont lu les vraies Tortues Ninja au départ, c'est absolument pas pour les enfants, les Tortues Ninja. On est bien d'accord. Donc, on est là devant un produit dérivé qui a popularisé les Tortues Ninja pour les enfants. Et ensuite, on a eu des comics qui ont bien sûr... qui ont rebondi sur ça, qui ont fait des choses pour les adolescents et pour les adultes. Attention, Miraculous peut très bien devenir peut-être quelque chose dans le futur qui sera une geekerie, qui sera quelque chose, un univers partagé, pourquoi pas, quelque chose qui deviendra quelque chose d'un peu plus important. Le Miraculous Universe. On me fait voilà, signe pourquoi pas. Que Miraculous est l'adaptation d'un manga hentai. D'où les tentacules. D'où les tentacules, les yo-yo, les... Mais bon. C'est qu'il y a du potentiel du coup derrière, je pense. Ouais, c'est potentiel. C'est vraiment fait pour accompagner les enfants jusqu'à l'âge adulte et c'est ça que je trouve que c'est honorable et faut le reconnaître quoi. Il faut mettre ça en avant. Et ça me fait rire parce que tu vois, on a un petit moment, tu vois, suspendu là sur le chat, tu vois. On a les gens qui sont un peu en mode globalement. Allez, barrez-vous avec votre Miraculous. Vous êtes bien gentils, on va se faire tous des bisous sur la bouche, mais allez, faut parler comics. Là, tu vois. Donc, c'est marrant à voir. Mais il y a pas de pitié des fois. Je te jure, vous êtes fantastiques. Ah, c'est génial. Et du coup, il nous reste 3 geekeries. Je vous le dis, il y a 2 comics et on va parler littérature. Mais là, tout de suite, c'est Spider-Man. Tu vas nous parler. Génie du. Oui, je vais vous parler de Brian Bolland et plus particulièrement du volume donc sorti chez Urban, de Brian par Bolland, donc un artbook qui reprend l'entièreté de sa carrière en fait. Et alors perso, j'aime beaucoup les artbooks parce qu'il y a plein d'images et que je sais pas lire. Non, en fait, j'aime beaucoup les artbooks parce que ça reprend vraiment vraiment ce qu'est un artiste. Et en fait, il y a 3 sortes d'artbook. En fait, il y a l'artbook qui va balancer les covers d'un artiste ou les dessins d'un artiste comme ça, c'est tout. C'est cool, mais bon, c'est pas les meilleurs. Il y a sinon les artbooks qui sont détaillés par une tierce personne, et il y a les artbooks qui sont documentés et commentés par l'artiste en question. Et ceux-là, c'est les meilleurs. Et Brian Parboland, c'est l'un de ceux-là. Et donc il revient donc vraiment de, c'est vraiment par ordre chronologique et ça commence plus ou moins avec, il explique comment il est arrivé sur la série Kaamelott 3000, dont on avait déjà parlé ici. Mm-hmm. Et donc du coup c'est marrant parce qu'il y a vraiment plein de petites anecdotes. Il raconte qu'il mettait quand même beaucoup de temps parce qu'à la base Brian Bolland c'est vraiment un dessinateur de couverture. 95% de son taf c'est des couvertures, des commandes de couverture pour DC et plus spécifiquement pour Vertigo. Et au final, ce qu'il a fait vraiment de marquant en dessin vraiment sur un comics, c'est Kaamelott 3000 et Killing Joke. Et donc c'est marrant de voir toutes ces petites anecdotes. Une fois qu'il avait fini Kaamelott 3000, donc il disait qu'il était quand même assez lent dessus, avec le dernier numéro 12, au final, DC ne donnait même plus de sollicitations parce qu'il traînait trop, il a mis un an à sortir, et qu'apparemment il avait gagné un bon petit paquet de thunes sur Kaamelott 3000. Et Brian Bolland, c'est un dessinateur anglais, et il faisait partie de cette mouvance de tous ces dessinateurs anglais qui ont commencé à bosser pour DC, mais en fait, les dessinateurs anglais, ils étaient payés au lance-pierre, ils n'étaient pas bien considérés en fait aux États-Unis. Et lui, du coup, il avait touché vraiment un petit pactole sur Kaamelott 3000. Et en parallèle de ça, il parlait avec son ami Dave Gibbons, qui lui montrait les premières planches d'un petit comics qui allait percer, qui était Watchmen. Donc c'est vraiment toutes des petites tranches de vie comme ça qui sont super agréables en fait à lire au fur et à mesure qu'on découvre toutes ces couvertures. Et Et du coup, on voit aussi tout ce qu'il y a derrière, ben, l'industrie des couvertures, en fait. Par exemple, il y a un jour, il était invité par un ami à visiter les locaux de DC, et ben, il avait dessiné quelques couvertures un peu à la, comme ça, hein, à l'avance, dont un Superman qui a une tête de monstre, comme ça. Et le responsable de DC, à l'époque, lui avait acheté, il lui avait dit, oh, ben, tiens, ben, je t'achète celle-là et celle-là, puis ben, je verrai, je demanderai au scénariste de faire une histoire dessus. Donc, bah, en fait, l'histoire, au final, serait vraiment basée à partir d'une couverture qu'un mec a vendue comme ça chez DC. Y a aussi le fait de... Il explique à un moment que quand lui, il faisait les couvertures, ça l'embêtait parce que des fois, en fait, donc, il faisait sa couverture en entière, donc sur une pleine page, et qu'il y avait les logos, en fait, de DC... et du, bah du comics qui venait se greffer dessus. Et en fait, des fois, il y avait des bandes du côté, un logo, et en fait, ça cachait des éléments importants de, bah, de ses couvertures, de son travail, quoi. Et il racontait qu'au fur et à mesure de son travail et de sa carrière, après, il savait anticiper où étaient les logos, et du coup, il essayait juste des morceaux blancs, il dessinait plus. Et par contre, après chez DC, ils lui ont dit non, mais après, si on veut faire des beaux recueils avec des couvertures et tout, on a besoin en fait de tout. Donc le mec devait quand même redessiner la couverture en entière, en sachant qu'une partie serait quand même cachée le jour où ça sortirait. Quoi. Et il y avait aussi des explications sur les directives en fait qu'il avait à faire ses covers. Des fois, en fait, il avait le script. Quand une série commençait, par exemple, il racontait sur Animal Man de Grant Morrison qu'il a commencé à faire les couvertures. Des fois, il avait quand même quelques petits indices. On lui envoyait le script. Donc, il savait orienter, il savait ce qui allait se passer à peu près dans le numéro. Il savait quoi faire. Mais des fois, en fait, DC lui envoyait même plus les trucs. Donc, il lui demandait, fais une couverture pour tel numéro. Et il faisait une couverture, mais ça n'avait rien à voir avec le numéro, quoi. Et qu'en fait, la majeure partie du temps, en fait, les séries sur lesquelles il travaillait pour les couvertures, en fait, il ne lisait même pas les séries. Il y a une anecdote bien rigolote sur Wonder Woman. En fait, ils lui ont proposé Wonder Woman à un moment d'ici. Et il a dit OK, mais de mémoire, il n'avait jamais lu Wonder Woman. Et en fait, ils avaient utilisé sa première couverture qu'il avait créée pour annoncer en grande pompe le retour de Wonder Woman, parce qu'apparemment, elle était morte. Ou un délire comme ça. Et lui, il disait, je savais même pas en fait que ma couverture allait annoncer le retour de Wonder Woman. Et on avait aussi une autre petite anecdote sur Zatanna, un personnage qu'il aimait beaucoup et qui rêvait de dessiner parce que voilà, ça faisait partie un peu de son fantasme d'adolescent avec les barésies. Sauf que quand on lui a demandé de dessiner la couverture, ils lui ont demandé de mettre des bottes. Il y a vraiment plein de choses comme ça. Il y a aussi une anecdote bien rigolote sur le Joker et Wonder Woman. À un moment, il devait dessiner. DC lui a dit, tu dois nous dessiner, fais-nous des propositions de couverture avec Wonder Woman, le Joker sur la couverture, et le Joker tient une bombe. Et lui, il s'est dit, je vais mettre le Joker de dos, qui ouvre sa veste, un peu en mode exhibitionniste, et Wonder Woman avec un air un peu surpris, en fait, comme s'il montrait qu'il était nu sous son imperme, en fait, c'était une bombe. Et du coup, ça permettait aussi de parler de la censure chez DC, de leur côté puritain. S'il y avait une raie de fesses ou quoi, ils devaient absolument tout cacher parce que ça pouvait pas se faire. Et par contre, ils disaient que les fans et ceux qui leur demandaient de faire des commissions, eux, par contre, ils lui demandaient de dessiner cette cover qui n'avait pas été retenue pour le coup. C'est aussi hyper intéressant de voir l'évolution en fait de son dessin quand il a découvert Photoshop, parce que à la base il faisait tout à la main, surtout en fait il savait tout faire, mais lui il faisait surtout les crayonnés en fait. Comme Jules quand il a découvert Photoshop, on s'en est aperçu. Hein. On l'a perdu. Et du coup il faisait surtout les crayonnés et il avait un coloriste attitré. Et quand il a découvert vraiment le potentiel de Photoshop et tout ce qu'il pouvait faire avec, en fait, il disait qu'il s'était mis à scanner un peu tout et n'importe quoi, tout ce qui lui tombait sous la main, et à faire des montages et compagnie, à apprendre sur le tas. Et c'est là vraiment qu'on voit l'évolution de son style, parce qu'à partir de ce moment-là, il a dessiné, ancré, coloré, il faisait tout de A à Z. Et on voit vraiment la différence. Et c'est là de même qu'il a décidé de recoloriser Killing Joke. Parce que lui, la première colorisation, il ne l'aimait pas. Et donc voilà, on voit vraiment l'évolution de tout son boulot de A à Z, et d'où cette transition aussi avec, avec Photoshop. Et du coup, ça soulevait aussi la question des originaux. Parce qu'il disait que c'est à partir de ce moment-là que les fans ils l'ont détesté, parce que du coup, ben, il n'y avait plus d'originaux. Tout était fait sur tablette. Ces originaux s'arrachaient à prix d'or à un moment, ben, il n'y en a quasiment plus. Sauf des commissions, quoi, mais les couvertures originales n'existent plus. Et donc voilà, c'est vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. On en apprend enfin, vraiment un artiste très humble en fait dans tous les commentaires qu'il fait. En fait, c'est un éternel insatisfait. À un moment, il dit même vers la fin du volume, ah ben la couverture là, je l'aime bien parce qu'il n'y a pas trop de défauts. Donc ça voulait dire que toutes les autres avant, elles avaient des défauts quoi, sur 30-40 ans de carrière. Quoi. Et ouais, non, vraiment une très belle découverte pour un artiste que j'aime beaucoup. Et du coup, pour 29 euros, je conseille vraiment. Alors, vers toi, mon French Geek, Brian Bolland. Bah, en fait, j'avais présenté ce bouquin dans ma vidéo où je parle justement des publications de Brian Bolland que je possède. Parce que, bon, bah, j'adore Brian Bolland aussi. Et par contre, j'ai le même livre, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais là, ça m'a vraiment donné envie de me plonger dedans. Parce que j'adore justement tout ce qui est, j'ai envie de dire, making of, ce qu'on voit derrière le rideau. Justement, quand les professionnels expliquent soit les astuces qu'ils ont dans leur travail, soit les problèmes qu'ils rencontrent. J'adore tout ce que ce petit côté, par le petit bout de la lorgnette. Donc, je me ferai un plaisir de le lire. Et je suis certain, forcément quelque chose. Oui, je trouve son travail magnifique. Effectivement, je n'ai pas lu l'artbook. J'aimerais bien l'avoir effectivement dans les mains pour voir un petit peu tout ça. Je trouve ça très intéressant, franchement. Moi, je suis pas tellement artbook parce que justement, alors c'est un tort du coup a priori parce que j'ai peur de me retrouver simplement sur une série en fait de dessins sans forcément trop d'explications et ce genre de choses. C'est souvent le cas. C'est assez souvent le cas, mais là pour le coup, j'ai même été surpris parce que ben, je m'attendais un peu à ça, genre telle couverture de machin. Et là, voir vraiment que c'est l'artiste lui-même et en fait, c'est en fait plus une biographie. Et avec toutes ces belles images en plus, j'ai trouvé vraiment ça hyper intéressant. Et hyper bien fait, surtout. Et on en apprend un peu plus, là, sur sa technique de colorisation, parce que enfin, je la trouve... Ouais. Tout à fait, on en apprend plus. Et en fait, on se rend compte que il s'amuse vraiment, comme je disais, à scanner plein de trucs via Photoshop et à les modifier, à faire des expériences. À un moment, sur des couvertures, genre, on voit un œil. En fait, c'est son œil à lui. D'accord. Et en fait, on découvre vraiment cette patte vraiment qui le rend vraiment unique. Et on voit vraiment, quand il a découvert, surtout quand c'est arrivé, il disait en fin 97, toute cette technologie-là, qui s'est vraiment mis dedans, bah, ça lui a vraiment ouvert un monde et ça a fait de l'artiste qu'on connaît maintenant. Quoi. Moi, j'en avais parlé du coup de Bolland quand j'avais présenté les Geoff Johns. Présente Flash, où il fait une bonne partie des couvertures, au moins déjà sur les trois premiers tomes, et je crois une partie du quatrième. Mais ça, il avait un coloriste aussi. Au début, d'accord. Il avait un coloriste, en fait. Et c'est ce qu'il racontait aussi, c'est qu'il aimait pas trop, en fait, qu'on lui donne trop de directives sur ses couvertures, ce que DC faisait au début. Et Flash, pareil, il avait aussi un coloriste, on lui a attitré un coloriste au départ, et ça se voit vraiment dans les dessins. Et après, bon, après, on nous dit, voilà, tu fais tes couvertures, tu nous les rends, et puis voilà. Et toi, mon cher Dramout, tu veux nous dire un petit mot sur Bolland ? Bon, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas. En un mot, mot. En deux mots, mot, mot. Ouais. Non, mais c'est. Moi, je suis pas grand connaisseur de Bolland et finalement, je crois que le. Bah, moi, j'avais lu. Enfin, quand j'avais lu Kim Notre Ami, moi, j'ai du mal avec les vieux dessins, en fait. Donc ça me... J'ai du mal, j'arrive pas à me plonger, j'ai beaucoup de difficultés. Et après, c'était du coup Killing Joke. Que t'as bien aimé. Moi j'ai bien aimé Killing Joke. Voilà. Ah, non, je me rappelle plus lequel des deux n'avait pas aimé. Non, bah, c'est aimé, moi qui ai aimé. En plus, la dernière version de Urban de Killing Joke, je crois qu'ils le disent, enfin, c'est une version du coup qui a été refaite, je crois, ou un truc comme ça. À un moment aussi, il parle de Killing Joke et tu vois que le mec, il a un peu les boules parce que ils ont bridé un peu. Il devait y avoir certaines scènes qui n'ont pas été mises dans le comic, c'est que voilà. Et il a dit voilà, il disait voilà, dans l'artbook, il dit j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je vais pas revenir dessus, c'est pas le but. Puis il passe. Et pour info, Killing Joke, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas trouvé ça ouf, c'est tout. Oui, mais enfin bon, ton procès aura lieu lundi à 10h30 et l'exécution se fera sur en place publique, évidemment. Voilà. Non, mais... J'y serai. Bah oui, t'es quand même le premier convié, hein, dis donc. Bon, bah du coup, on va passer à ta dernière geekerie, mon cher G. Et tu vas nous parler de Jim Butcher, un ami que je connais bien. Oui, tout à fait. Pas du tout. Oh là là, est-ce que tu me déçois ? Oui, non. Mais entre nous, je t'ai souvent déçu, donc une fois, un peu plus, un peu moins. Mais en fait, justement, ça me fait plaisir de... Enfin, ça me fait plaisir. Je ne sais pas si c'est réciproque. Mais moi, en fait, j'aime bien présenter des artistes ou des auteurs à des gens qui ne les connaissent pas. Après, bon, bah, j'espère vous faire découvrir quelque chose qui vous plaira, quoi. Bon, moi, je suis toujours très client. Bah, regarde The Thing. Enfin, y a plein de trucs hein, que tu m'as fait découvrir. Bref, après, quoi. C'est intime. Donc, Jim Butcher. Jim Butcher, c'est un écrivain américain contemporain, il a la petite cinquantaine, qui a créé 3 séries. Je vais vous parler en fait de 2 séries. Parce si que je peux me permettre juste un truc. La petite cinquantaine, c'est bien une expression de vieux, ça, je te le dis. Hein, parce que c'est vraiment quand on approche de la cinquantaine qu'on dit une petite cinquantaine, c'est 3 fois rien, une broutille. Non, non, il a une vieille cinquantaine et puis c'est tout. Je suis encore jeune, c'est 50 ans. Oh. Excuse-moi. Mais c'est petit 50 ans. Surtout quand on a dépassé la cinquantaine. Mais bon, je m'égare. Donc, 3 séries. La première, c'est la plus connue. Elle s'appelle Les Dossiers Dresden. La seconde est aussi célèbre. Elle s'appelle Les Codex Alera. Et la troisième, j'en parlerai pas du tout parce qu'il l'a juste commencé. Il a fait un bouquin. C'est du steampunk. Ça n'a pas vraiment marché. Et tout le monde se dit que cette série est morte-née. Donc, on n'en parle pas. Je vais vous parler donc en détail de la série du Codex Alera. Elle a été traduite en français. Et on voit d'ailleurs les couvertures à gauche sur l'écran. Ça a été traduit en français par Bragelonne. Il y a 6 tomes. Chaque tome utilise le mot « furie » dans son titre. Le premier tome, « Les furies de Calderon », il peut se lire tout seul. En fait, bon, visiblement, Butcher n'était pas sûr du succès de son bouquin quand il l'a écrit. Donc il en a fait un roman qui forme un tout. Maintenant, vous pouvez très bien donc soit le lire et puis vous arrêtez là, soit le lire et continuer la série. Ce livre ayant eu du succès, il a écrit 5 livres de plus. Donc, qu'est-ce que c'est que le Codex Alera ? Ça nous présente Tavi. Tavi est un jeune homme dont nous suivons l'épopée, alors qu'il découvre ses pouvoirs et grimpe les échelons dans la hiérarchie politique et militaire du royaume d'Alera. C'est un peu comme l'ancienne Rome, si vous voulez. Sauf que chaque habitant est lié physiquement et mentalement à une furie, qui est une des entités natives de la planète. Et c'est un peu comme les invocations du jeu vidéo Final Fantasy, dont on parlait précédemment, pour ceux qui connaissent. Donc tout le monde a une furie, sauf Tavi, qui passe pour un espèce de monstre aux yeux des autres à cause de son handicap. Et donc en gros, pour résumer, le Codex Alera, c'est Harry Potter dans la Rome antique, avec de la magie et de la science-fiction. Ça se lit tout seul, et c'est pareil, c'est comme Harry Potter, c'est-à-dire que dans le premier, il a, je sais plus, 7 ans, 8 ans, dans le deuxième, il a 12 ans, dans le troisième, il a 15 ans, enfin, ça, il grandit en âge, en maturité, en pouvoir, en expérience, etc. Donc ça, c'est la série des Codex Alera. Après, on a sa série qui est plus célèbre, c'est la série des Dossiers Dresden. C'est donc ce qu'on voit à droite de l'écran. C'est le gros morceau. C'est la série qui a rendu Jim Butcher célèbre quand il a commencé à la publier, enfin à la faire publier dans les années 2000. Il y a 15 romans de parus à l'heure actuelle. Il y en a 17 de prévus. Le 16e devait ou doit sortir au mois de juillet cette année, mais avec les problèmes de virus, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et le 17e et donc dernier roman était censé sortir à la fin de l'année. Mais une fois de plus, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Avant de vous en parler plus en détail, il y a eu une adaptation TV par la chaîne Sci-Fi. C'était une adaptation en 2007. C'est une adaptation d'une saison seulement, parce que l'adaptation n'est pas très bien faite. Elle n'est pas vraiment respectueuse de tous les points forts, de tous les éléments forts du livre. Et ça n'a pas très bien marché. Par contre, il y a également une adaptation en comic book. Ça a été publié en Amérique chez Dynamite. En France, j'ai juste trouvé le petit dessin qu'on voit là au milieu, en bas. Je ne sais pas trop qui est l'éditeur. C'est l'album Welcome to the Jungle. Je crois que c'est Brajlon encore. Ah, Brajlon fait aussi des BD. Je crois que c'est que des livres. Enfin, je crois. Ah, c'est pas Milady Graphic le logo là en bas? Je sais pas. Je vais chercher. Ne t'interromps pas pour moi. Je vous laisse mener l'enquête. Et donc, il y a eu plusieurs trade paperback en version originale. Et ces trade paperback alternent. Il y a un comics qui est l'adaptation d'un roman. Après, il y a un comics qui est une œuvre originale scénarisée par Jim Butcher et dessinée par un artiste, et ainsi de suite. Et pour l'instant, il y a deux trade paperback, enfin des omnibus en fait, pardon, et je crois qu'il y en a un troisième de prévu. Donc il doit y avoir une dizaine de comics en tout. Et donc, pour vous expliquer un peu les dossiers de Dresden, ça raconte les enquêtes d'un style détective privé que Harry Dresden, un sorcier, mène à Chicago. Et bon, il faut dire que Jim Butcher est originaire, mais il vit à Chicago, et c'est donc pour ça qu'il a mis qu'il a situé l'action de son personnage dans cette ville. Et donc, Harry Dresden est, comme il le dit lui-même dans les romans, il est le seul sorcier qui soit dans les pages jaunes de l'annuaire de Chicago. Et très vite, en fait, ces histoires vont suivre Dresden quand il aide le lieutenant Murphy des forces de police de Chicago, qui fait appel à lui à chaque fois qu'il y a une mort surnaturelle. Encore plus vite, et passé les 3 ou 4 premiers livres, Butcher va nous raconter comment Dresden et l'humanité se battent contre les vampires qui essaient de dominer le monde. Et raconté comme ça, ça peut paraître faiblard comme scénario, mais Butcher a un sens de la narration et de l'autodérision qui rend Dresden incroyablement attachant. De plus, Dresden est entouré de personnages secondaires jubilatoires tels que Mister, son chat obèse, Mouse, la souris, c'est un chien géant, le lieutenant Murphy, l'archange Saint-Michel en français, j'en passe et des meilleurs. Et la plupart de ces personnages n'ont pas été adaptés justement dans la série télé, ce qui explique aussi pourquoi elle s'est cassée la gueule très rapidement. Et l'univers des dossiers de Dresden est très riche et il foisonne d'idées. Par exemple, Dresden devient un dieu pour le petit peuple des fées lorsqu'il entreprend de les nourrir gratuitement de pizza. Mais bien sûr, bien que l'humour y soit prépondérant, plus les livres et l'histoire du combat contre les vampires progressent, plus le ton jubilatoire des premiers livres devient plus sombre. Et donc pour finir, ça a été traduit en France par Brajlon aussi. Que ce soit donc le codec Alera ou les dossiers de Dresden. Voilà. Et ouais, mais si je dis pas de bêtises, Milady, c'était Brajlon, iComics, tout ça, c'est à peu près c'était la même maison. Ouais, c'est ça. Ouais. Brajlon, Brajlon, c'est la partie roman, et Milady, c'était un peu leur branche BD, etc. Le Conquist est sorti chez Milady à la base. Et aujourd'hui, iComics, c'est le nouveau Milady. C'est-à-dire ça appartient à Brajlon. Hein, c'est toujours lié à Brajlon. Mmh. Et du coup, alors je connais absolument pas, mais juste pour réagir, le pitch que tu as fait du Codex Alera, je sais déjà que je vais offrir le premier tome à ma femme. Parce que ce que tu en as dit, je pense que c'est susceptible de lui plaire. Elle est bien branchée au roman. Et est-ce que c'est moi ta femme ou pas? Eh bien, pas du tout. Tu as été autorisé à une époque à porter mon fromage à pizza, mais ceci est une autre histoire. Mais il n'y a jamais eu coït, mon ami. Donc non. Okay. Encore. C'est-à-dire que c'est pas à moi que ça va être offert. J'ai compris. Et ça t'intéresse du coup? Ouais, mais en fait, je me suis fait réflexion que je connaissais pas Jim Butcher. Enfin, le nom ne disait rien. Ouais. Et quand tu as parlé de Welcome to the Jungle et du coup de Dresden, je me suis dit, mais c'est fou parce que ça me dit quelque chose par contre. Et donc, du coup, je crois que j'ai déjà lu des romans de lui, mais je ne savais pas que c'était lui. Parce que Welcome to the Jungle, il me semble l'avoir lu. C'est une chanson des Guns N' Roses. Ouais, mais du coup, la chanson. Enfin, là, j'avais pas l'impression de lire une chanson, quoi. C'était plus long, plus gros, quoi. Mais mais il me semble que j'ai lu Welcome to the Jungle. Du coup, et Dresden aussi, ça me dit quelque chose, quoi. Donc, je me rendais pas compte que c'était lui, en fait. J'ai pas fait gaffe. Mais en fait, c'est une réflexion géniale d'Adrien, ouais. De Laura TV. Il nous dit que Jim Butcher, c'est Jean Boucher en français. C'est le boucher du village. Mais, en fait, pour terminer, j'avais fait une vidéo, c'était une des toutes premières vidéos que j'avais faites pour ma chaîne, je l'avais faite sur Jim Butcher, et je ne l'ai jamais publiée parce que quand j'ai fait le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que je parlais de 5 codex Alera, alors qu'il y en avait 6. Et j'aurais dû donc... refilmer donc juste ce petit bout de vidéo, sauf que j'ai repoussé ça et on a déménagé je crois 3 fois entre temps, ce qui fait que et à l'époque je me filmais tout le temps quand je racontais mes histoires, et donc je peux plus monter la vidéo maintenant, je peux plus la mettre à jour parce que ça se plaît, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai profité de l'occasion une fois de plus, merci G, pour vous faire ma vidéo en direct live. Mais je t'en prie. Laura TV nous dit que Welcome to the Jungle, c'est aussi un film avec Don Johnson, chacun ses références. Et, je préfère mes références. Je lui signale également que c'est un club libertin du côté de Lyon. Voilà. Donc, nous allons pouvoir passer à la dernière geekerie, si vous le voulez bien, de cette fabuleuse soirée. Et c'est moi qui m'y colle, et donc du coup on va parler d'un comics, mais je serai partagé sur un très bon comics. Mais justement, je vais la faire très très courte, et puis je vous laisserai un peu plus la parole, parce que je pense que vous avez beaucoup plus de choses gentilles et intéressantes à dire à son sujet, ce qui n'est pas tellement mon cas. Et donc, alors j'ai pas fini, mais j'ai bien commencé Letter 44. Édité chez Glénat Comics en 6 tomes. Au scénario, on peut retrouver Charles Soule et au dessin Alberto Jiménez, Albu Kerke. J'ai beaucoup plus de facilité avec les noms à consonance hispanique que anglais, hein. Deadpool, tout ça, c'est moins ma cam. Le pitch pour le coup, eh ben, je l'aime énormément. On a le président Blades qui va succéder à l'ancien président, le président Carroll, qui a terminé ses 2 mandats. Blades vient de gagner les élections, il va donc prêter serment, et immédiatement, dans le bureau ovale, le précédent président lui a laissé une lettre cachetée avec simplement un numéro dessus, le numéro 44, d'où le titre de la série Letter 44. Dans cette lettre, il va apprendre quelque chose qui a été caché à la Terre entière. Il y a 7 ans de ça, la NASA a repéré que des extraterrestres étaient en train d'opérer secrètement et de faire une construction sur des astéroïdes, la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Une mission a été envoyée assez rapidement, on peut dire en toute hâte, pour essayer de rentrer en contact avec ces extraterrestres, pour voir un petit peu quels étaient leur volonté, leur souhait, qu'est-ce qu'ils faisaient là. Et donc c'est, j'ai peur de dire une bêtise, je crois que c'est 12 astronautes, des hommes, des femmes, des scientifiques, des militaires, et qui sont partis à bord du vaisseau, et la mission s'appelle la mission Clark. Voilà, si je dis pas de bêtises. Petite référence, si je ne m'abuse, à Clark Kent, tout ça, tout ça. J'ai trouvé très très sympathique. Et donc, le président qui récupère un pays en proie au doute, à la guerre, à une économie chancelante, voilà, l'ancien président a mené tout un tas de guerres dans différents pays, enfin voilà, il récupère déjà un pays qui n'est pas forcément dans un bon état, et en plus il récupère une situation qui est totalement inconfortable pour lui, et une situation plus que dramatique. Assez rapidement, Il va donc entrer en contact avec les gens qui sont au courant de ça, les différents scientifiques. Et puis, le président Blaze va devoir gérer cette situation, on va suivre évidemment ses aventures, et les aventures de tout un pays et de l'équipage du Clark qui arrive à proximité des extraterrestres. Donc voilà, je l'ai dit, c'est disponible en 6 tomes du côté de chez Glénat. Ça fait déjà quelques années que c'est sorti, je crois que ça a commencé en 2015 ou 2016. J'aurais peur de dire une bêtise. Mon avis, je suis assez désappointé et je suis assez partagé sur ce travail. C'est-à-dire que pour moi, il y a des choses qui sont d'une qualité qui, à mon sens, indéniable. Le pitch de départ, je le trouve totalement fantastique. C'est vraiment le président qui est très très loin de ce genre de problème, de ce genre de considération, et qui se retrouve avec une espèce de passage de témoin. Et un problème plus que merdique, puisque c'est la sécurité planétaire qui est en jeu et qui repose sur ses épaules. Je trouve que le pitch de départ, il est totalement dingue. Ça, c'est vraiment vraiment sympa. Ensuite, il y a vraiment des scènes que j'ai trouvées très intelligentes. Alors, j'en avais discuté avec Jules. Il me disait, ouais, moi je trouve que c'était un peu verbeux et tout. Effectivement, c'est un petit peu verbeux, mais moi, je trouve que c'est pas totalement déconnant, et il y a des scènes que j'ai trouvées absolument géniales. Je crois que c'est dans la deuxième issue, donc le deuxième chapitre, où il y a une scène où on voit un scientifique qui explique au nouveau président comment ils sont arrivés à la conclusion de se dire que ces extraterrestres avaient certainement des intentions belliqueuses, alors qu'ils ne sont jamais rentrés en contact avec eux. Et j'ai trouvé ce cheminement, où c'est un monologue, je l'ai trouvé extrêmement bien fait, extrêmement intéressant. Et c'est vraiment les points positifs, je trouve, de ce début d'histoire, parce que j'ai vu vraiment, on va dire, que les deux premiers tomes. Mais il y a quand même des choses, moi, qui m'ont un petit peu dérangé, et qui me sont un petit peu... rebuté et qui me sortent un petit peu de l'histoire. Autant le pitch, je le trouve extrêmement intéressant, autant je trouve la réalisation pas mauvaise, mais avec un certain manque d'ambition. Immédiatement, je crois qu'on est à la deuxième ou à la troisième page, on découvre la lettre 44 sur le bureau, et je trouve que c'est beaucoup trop rapide. J'aurais aimé que cette découverte de cette lettre 44 et donc de ce passage de témoin soit beaucoup plus choquant, beaucoup plus marquant. Et donc, j'aurais aimé qu'on installe cette situation un petit peu plus lentement, qu'on laisse un petit peu le personnage du nouveau président Blaze prendre de l'ampleur, qu'on sente le poids des responsabilités qui lui sont confiées en prenant la charge d'un pays comme les États-Unis, et d'un coup, paf ! Il y a cette lettre 44 qui arrive. Et tout ça, c'est pas fait. Est-ce que c'est pas fait par choix, est-ce que c'est pas fait parce que Charles Soule, il y a pas pensé, il avait pas envie, mais moi c'est vraiment des choses qui m'ont manqué. Et puis il y a, pour l'instant, on va dire, dans ce début de lecture, il y a des choses qui m'emballent pas trop. Il y a des personnages, honnêtement, que je trouve, la caractérisation, elle est grotesque, elle est un peu convenue, elle est c'est-à-dire que dans l'espace, on a des militaires et donc des scientifiques, et on a des militaires, jamais j'envoie ces militaires là dans l'espace, c'est des bœufs. Il y en a un ou deux, le mec, il fait une première sortie dans l'espace, il tire, il fait un l'archétype même du gros bœuf. Et ça, c'est des trucs qui m'ont un petit peu embêté. Après, c'est une histoire complète en 6 tomes que j'ai pas encore terminé, mais voilà, je trouve pas inintéressant. Mais après, j'ai un peu l'impression qu'on retrouve les mêmes schémas chez Charles Soule qui m'embêtent un petit peu, c'est-à-dire des bonnes idées, mais un petit peu la difficulté à concrétiser tout ça sur le long terme. Et du coup, je laisse la parole à qui veut bien pour pouvoir donner son avis sur Letter 44. Je sais pas, Spider-Man, Fringe. Allez-y, vous l'avez tous lu, faites-vous plaisir. Moi, en fait, tous les points que tu soulignes, tu vois des faiblesses, en fait, moi, justement, j'y vois des forces. Par exemple, tu dis que la lettre, elle arrive trop vite, qu'on voit pas le président prendre ses responsabilités. Mais en fait, c'est pas le but de l'histoire. En fait, je pense pour Soul, lui, voulait vraiment aller dans le vif du sujet. Et moi, dans les premiers tomes, c'est vraiment ce qui m'a vraiment happé dans le récit, c'est que ça va à 100 à l'heure. rebondissement sur rebondissement sur rebondissement. J'avais pas le temps de respirer. Et enfin, j'étais vraiment à fond dedans. Il y a eu un petit ventre mou vers le milieu de la série. Mais heureusement, ça reprend vite et on a une belle fin. Et après, comme tu dis, tous les militaires, les personnages, un peu. Mais en fait, j'y vois un peu une caricature en fait des équipages qu'on pouvait envoyer dans l'espace dans les années 80-90, comme dans Alien par exemple, ou ce genre de film. Ça fait un peu en penser le gros militaire avec des gros muscles sans cervelle, un scientifique un peu naïf. Enfin, mais ça fonctionne bien. Pour le coup, ça fonctionne bien. Et bon, sinon, ouais, c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée. Pareil que Spider-Man. En fait, bon, j'ai pas terminé tout à fait la série. J'en suis au quatrième numéro. Mais comme Spider-Man, j'ai trouvé en fait que le début, justement, Letter 44, bon, ben, c'est la 44e lettre. Et c'est plus. Le but du jeu, ce n'est pas de cacher son contenu, mais au contraire de nous expliquer quel est son contenu pour qu'on voit les conséquences et qu'on saute tout de suite dans le vif du sujet. Donc, en même temps, bon, un peu plus tôt, donc, j'avais dit que je n'avais pas aimé le Batman White Knight. Autant j'ai pas aimé, donc, enfin, autant je n'aime pas trop ce qui se fait chez DC et Marvel maintenant, de nos jours, autant j'adore ce qui est fait par les indépendants. Et Tom 44, ça fait partie de ces comics récents que j'adore lire. Et je me fais une joie de découvrir sa fin. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir en fait, que le premier président, enfin l'ancien président, avait foutu vraiment le pays dans la merde en investissant massivement dans l'armée, en déclarant des guerres, en fait, pour éprouver la technologie que lui développait, parce qu'il était au courant de cette menace extraterrestre. Et qu'au final, lui, il arrive un peu en caricature d'Obama, hein, voilà, ouais. Un président black, et il arrive un peu en seigneur, moi je vais utiliser ça à bon escient, machin et tout. Mais en fait, on se rend compte que peut-être que l'ancien président c'était un connard, mais il y avait une logique derrière tout ce qu'il faisait, et il tenait vraiment compte de cette menace extraterrestre qui était beaucoup plus évoluée technologiquement parlant. Et Elise, sa priorité, c'était ça, en fait, de survivre. Et que les considérations humaines, économiques et tout, ça passait au second plan. C'est ça, c'est une énorme caricature de la politique américaine actuelle. Ça aussi, c'est rigolo. Enfin, ça fait partie des angles de vue qui me font aimer lire et découvrir l'histoire. Non, mais et puis ça, c'est effectivement visible, mais je n'ai pas accroché sur ça. Et du coup, pour toi, Flo ? Alors, Letter 44. Alors, Charles Soule, j'avais un a priori extrêmement négatif. J'avais vu, lu la mort de Wolverine, la mort de Cyclope. J'étais vraiment pas très content de son travail sur les X-Men. Lorsque j'ai lu Letter 44, parce que j'allais justement interviewer le dessinateur Albuquerque à Toulouse, j'ai été fraîchement surpris. J'ai été surpris parce que le pitch, effectivement, du départ est très fort. L'avantage de cette série, sa force, c'est le point de départ. Le point de départ qui est effectivement une parabole de la politique américaine. Et après, c'est très fort au départ. Et après, on retombe sur du classique. Je dirais du classique un petit peu parfois Z, effectivement. Mais dans l'ensemble, quand même, ça tient la route. La force du départ nous permet effectivement d'aller un peu plus loin. La fin est, bon, mi figue, mi raisin, je dirais, elle n'est pas aussi forte que le départ. Le problème, c'est ça. On nous promet quelque chose d'extraordinaire au départ. En tout cas, on est pris par le récit dès le départ. Et après, ça retombe comme un petit flan. Et effectivement, ça peut désarçonner. Il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, c'est des dessins d'Albuquerque. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai beaucoup aimé, moi. Ouais. Alors j'ai eu du mal, moi. J'ai eu du mal au départ pour certaines choses. J'ai eu du mal pour tout ce qui est au niveau donc humain. J'ai eu du mal sur les visages. Après, je trouve que les planches qu'il fait de l'espace, qu'il fait effectivement de tout ce qui est technologie, là effectivement, ça m'a emporté. Et des extraterrestres aussi. Hein, tout le travail qu'il y a. C'est vrai qu'il y a une grosse recherche là-dessus. Ouais. Là, vraiment, ça m'a emporté. Je trouve ça vraiment, c'est une force du récit et c'est une force de la BD. Le reste, je suis un peu moins qu'il y a effectivement. Bah, le dessin, il y a des trucs très bien, et il y a des fois, il y a des gens où ça respecte pas vraiment les proportions, je trouve. C'est vrai que les visages, c'est un peu particulier parfois. C'est les visages qui pêchent de temps en temps, effectivement. Et des fois, ça nous sort effectivement du récit. Bon, le récit qui est quand même très classique, je dirais qu'il reprend vraiment des thèmes classiques de la science-fiction. Mais c'est vrai que le premier tome est vraiment, je trouve, extraordinaire. Enfin, il nous embarque. Alors, on est forcément déçu après, forcément, parce que ce n'est pas à la hauteur du premier tome. Et toi, mon cher Vincent, je sais que tu as un jugement assez proche du mien. Aïe. Et là, il va dire non, j'ai adoré. Non, mais moi, je pense que... On en avait déjà parlé, en plus, sur le live, il y a quelques temps. Et moi, c'était ça. C'est... Je trouve que l'idée et tout est bien, mais je pense que le titre aurait gagné à être, qu'en deux ou trois tomes. C'est-à-dire que si c'est beaucoup trop long, ça tire en longueur, il y a des moments que c'est répétitif. Et c'est pour moi, en fait, ça suit indirectement, ça suit le format, en fait, les structures OCR, objectif, challenge, récompense. Et ce qui fait que le rythme du titre est, la narration est rythmée par ça. Et c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire qu'on est dans une boucle, je sais ce qui va se passer et la construction, elle est identique. Et il n'y a pas de variation dans sa construction, et c'est ça qui me gêne. C'est que, du coup, je vois comment ça part, je vois par quels sont les fils, et je vois comment ça va se terminer. Et le problème, c'est que de base, Charles Soule, je trouve que ses fils sont très gros. Donc, c'est aussi pour ça que c'est un auteur avec lequel j'ai beaucoup de mal au départ. Et du coup, là, je le ressens encore plus. Et moi, pour moi, il aurait gagné à le faire quand peut-être deux tomes, ça serait mieux tenu. Et je pense que ça aurait été, j'aurais pris beaucoup plus de plaisir, en fait. Parce que là, moi, le plaisir du premier tome, c'est très vite retombé et ça s'est très vite essoufflé pour moi. C'est vrai que six tomes, c'est trop. Ouais, je rebondis, il y a des tie-in, effectivement. Il y a donc en plus fait par un autre dessinateur qui sont complètement indispensables, effectivement. Je me souviens que quand moi je lisais la série, que j'étais tombé sur... Enfin, j'avais hâte de connaître la suite. Et quand je suis tombé sur ce tome rempli de tie-in, c'est un peu la douche froide. Je me disais, c'est quoi Qu'est-ce que ça vient foutre là? C'est pareil. C'est que tout ça, c'est du remplissage en plus. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais... C'est vrai, quoi. Pour le coup, c'était un peu du remplissage quand même. Ouais. On peut largement s'en passer, on peut comprendre l'histoire sans, on peut avancer sans, ça apporte pas grand-chose, c'est pas vital, c'est... Voilà, quoi. Après, moi, je trouve que ça a été trop tiré en longueur pour rien, quoi. Après, c'est une politique éditoriale, parce qu'effectivement, Albuquerque m'avait dit qu'effectivement, il avait du mal à suivre le rythme donc, de la série. Et donc, les tie-in étaient là, effectivement, pour lui permettre de respirer. Et la politique éditoriale, effectivement, a été un petit peu d'étirer sur la tartine, le beurre, et jusqu'à l'écœurement, quoi, effectivement. Et niveau dessin, c'est le défaut des dessinateurs qui ont un dessin qui se veut un peu réaliste, c'est que forcément si par exemple t'as du mal sur les expressions ou des choses comme ça, tu le ressens moins. Un dessinateur qui a une patte graphique à lui, par exemple un mec comme Destiné Nguyen qui fait de l'aquarelle ou quoi que ce soit, du coup on va tout de suite être dans son univers parce que c'est sa patte graphique. Quelqu'un qui a des très bons dessins, mais qui seront forcément dans un style réaliste avec les proportions et des choses comme ça, donc quelqu'un un peu de Albuquerque, c'est que je trouve que forcément, dès que tu as un petit problème de proportion, tu as un petit problème d'expression ou de mouvement ou de quoi que ce soit, tu le ressens encore plus. Et ce qui fait que niveau dessin, les personnages, moi, ça ne m'allait pas. Par contre, ces dessins d'extérieur, comme je crois que c'est toi du coup, Florent, qui disais les dessins de l'espace, etc. Ouais. Là, c'est beau, quoi. Mais parce même la technologie. Et là, ça rend vraiment bien. Mais les dessins d'expression, ça marche pas. Il y a des problèmes un peu de, enfin pas de proportion, mais d'action. C'est-à-dire que quand il y a un mec des fois qui crie et qu'on n'a pas le visage qui est un peu froncé, qui est un peu, ou au pire avec un buste qui est penché vers l'avant ou avec un mouvement du bras ou de la main ou quoi que ce soit, moi je vivais pas la bulle de cette manière là c'est-à-dire que c'était pas assez, soit c'était pas assez expressif, soit c'était pas les bonnes expressions, quoi. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça, quoi. Et pour le coup, les couleurs, elles m'avaient marqué aussi. Je sais plus qui c'est qui s'en occupait, mais elles ont une place hyper importante dans le récit. Les couleurs sont chouettes, vraiment, pour le coup. Et il a fait d'autres trucs, Albuquerque, ou pas ? Enfin, Alberto ? Pas grand-chose. Il a fait des petites histoires, il a fait des petites histoires par-ci, par-là, mais c'est pas d'autres gros travaux. Il débute un petit peu dans le monde des comics, hein. Il vient de la franco-belge, quoi, en fait. Hein. Il est italien d'origine. D'accord. Il est italien ? Je croyais que c'était... Ouais, ouais. Ah putain, je croyais qu'il était... Portugais, moi, putain. Attention, il y a deux Albuquerque. Ah oui, c'est pas Raphaël. Ah, ouais. Il y a Albuquerque, alors avec un R après le U, et Albuquerque, l'italien. Donc voilà, c'est deux choses, c'est deux personnes différentes. Attention. Ouais. Il parle français, en tout cas. En fait, il est passé du coup sur un peu de... Il a fait un numéro de Venom, et il a fait deux numéros sur Jean Grey, la série de 2017. Ouais, exact. Donc, ouais. En fait, Peter Fortivore, c'est son premier boulot vraiment pour les comics. Mais c'est seul. Du coup, là, c'est ses seuls seul travaux. Ça se voyait parce que j'avais vu en convention et genre, il avait un cahier avec toutes ses planches originales. Franchement, les planches originales, c'est pas une bouchée de pain, mais enfin, tu voyais que voilà, il débutait. Quoi. Ouais. Après, il est super sympa. Hein. Il est hyper sympa. Hein, moi, je l'avais vu à la Comic Gone, ouais. Et enfin, super accessible, tranquille. Mm-hmm. D'ailleurs, Comic Gone, vous nous manquez. Revenez vite. Putain. Et Aurélien, dans le chat, nous dit qu'il est espagnol. D'accord. J'aurais dit espagnol. C'est bien possible, hein. C'est moi qui peut-être complètement... Moi, je croyais qu'il était portugais. Du coup, d'un autre côté, il est italien. Dans le chat, on nous dit qu'il est espagnol. C'est un habitant de la Terre, quoi. Dans deux minutes, il va être russe. On va c'est un humain. Et du coup, le point va pour Aurélien, parce qu'il est madrilien. Donc, enfin, madrilène, pardon. Rassure-moi, du coup. T'as pas fait l'interview en italien, quand même. Non. Putain, ça aurait eu de la gueule. Hein. Français, il parle un peu français. Hein. Il parle un peu français. Ouais. Et c'est espagnol, ouais, effectivement. Ouais, c'est des cousins, l'Espagne et l'Italie. Oh, parce que c'est une... Si tu fais une interview en italien à un espagnol sur le sol français, alors là, on a le tiercé, on est bien. C'est parfait. Et ben voilà, c'était la dernière geekerie de la soirée. Quelle tristesse. Non, on reviendra pour un round 8. Ouais. D'ailleurs, bah avant de terminer cette... Enfin, je devais l'annoncer au début, mais du coup, j'ai merdé une fois de plus. Il y aura un ultime round de ces Corona Geekeries avant le 11 mai, avant le déconfinement. Les confinements, il y a, s'il est total ou pas, en tout cas, nous, on a été... Et Corona Geekeries, on reprendra un rythme un petit peu plus normal et nos formules... originel et voilà, mais il nous reste donc une dernière émission où on tirera au sort le gagnant de l'intégrale Invincible qu'on fera gagner en lien avec Excalibur Comics. Si vous ne connaissez pas Excalibur Comics, autant lui faire une petite commande, lui donner un petit coup de main parce que c'est quelqu'un de très bien et un libraire de qualité. Mais on va pas se quitter comme ça. Enfin, j'étais obligé de dire au moins un petit mot sur vous, messieurs, et puis vous demander aussi si vous avez passé une bonne soirée. Déjà, si ça s'est bien passé pour vous. Et voilà, que c'était un immense plaisir de vous avoir avec nous dans cette émission. Tout d'abord, mon French Geek manger, parce que ça fait des années qu'on se suit, qu'on s'apprécie, qu'on est copains, qu'on est amis. Depuis la bibliothèque de Galactus, enfin voilà, c'est une vieille et belle histoire. Et voilà, et tu sais que j'apprécie énormément ton travail, tout ce que tu fais, et au-delà du travail que tu fais sur YouTube. Ta gentillesse, ta simplicité et tout ta personnalité. Donc ça m'honore et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir pu t'avoir dans cette émission. Et Florent, parce que tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir tendre la main et de temps en temps être gentil. Et au tout début, quand je commençais les vidéos, je venais à peine de rejoindre le collectif. Comics.fr et j'avais 150 ou 200 abonnés, autant dire que je suis toujours personne, mais je n'étais personne. Et j'étais en vadrouille du côté de Toulouse et tu t'occupais donc des interviews du TGS TV. Et tu m'avais fait l'honneur de vouloir m'offrir une petite interview. Et voilà. Et ça m'a beaucoup. Enfin, ça m'a marqué évidemment, mais j'ai trouvé ça extrêmement gentil, extrêmement sympathique. Et c'est au-delà de cette interview, et ben c'est tout toi. C'est-à-dire que t'es d'une gentillesse et d'une bonté qui est absolument sans limite. Je veux pour preuve la manière dont tu as, on va dire, suspendu ta chaîne, parce qu'on ne sait jamais, un retour est peut-être encore possible. Tu me dis que non, mais non. J'ai quand même un petit espoir. Non, il avait dit non. Hein. Non, je continuerai à espérer, on ne sait jamais. Et tu vois, de la manière dont t'as arrêté ta chaîne, t'es parti en, comme t'as toujours été tout du long, avec une très grande classe, une très grande bonté, conseillant et pas différents youtubeurs, tu vois, que tu appréciais. Et c'est toujours ça en fait qui marque chacune de tes interventions. Et voilà, c'est cette gentillesse, cette bonté, cette bienveillance. Et c'est très gentil. Et oui, mais c'est rare. C'est maintenant qu'on se déshabille, quoi. Non, mais voilà, c'est, enfin, tu vois, des fois on peut avoir des relations un petit peu particulières et des fois un petit peu tendues. Avec les gens, tu vois, qui font un peu des vidéos, les blogueurs, tout ça. Et j'aime beaucoup la position que tu as, parce que t'es souvent une espèce de phare, une espèce de référence, tu vois, de gentillesse, d'intelligence, d'intégrité. Mmh. Et ça, voilà. Et je pense que ça nous ferait quand même du bien que de temps en temps tu nous fasses une petite vidéo. Voilà, c'est très gentil. Si tu me permets de rebondir sur ça. Je t'en prie. Je vois un petit peu que ça me chambre dans le chat par rapport à Miraculous. Je voudrais juste répondre à ça. J'ai 46 ans, j'ai commencé les comics à l'âge de 8 ans. Et pendant toute ma jeunesse, j'ai été discriminé par rapport à mes lectures. Hein. Que ce soit par rapport à mes comics, par rapport à la science-fiction, puisque j'ai lu du Lovecraft très, très, très jeune, du Dune très jeune. Et il y avait toujours un regard, comment dire, un petit peu moqueur sur ce que je lisais. Lorsque je me suis mis au jeu de rôle, là aussi, il y a eu un regard moqueur. Faites très attention. Alors, je sais bien, il y a beaucoup de second degré dans le chat. Je vous en veux absolument pas. Je comprends tout à fait le second degré et j'aime bien, moi aussi. Je savais très bien qu'en parlant de Miraculous, j'allais me faire chambrer et j'adore ça. Mais pour ceux qui parlent au premier degré, quand même, je voudrais vous parler de ça. Faites attention parce que on discrimine très facilement les œuvres, les productions, qu'elles soient pour les enfants ou pour autres, effectivement. En fait, une œuvre d'art, c'est souvent la personne qui la reçoit qui peut le juger. Et en fait, c'est très subjectif tout ça. Donc, faites très attention de ne pas faire des chapelles, de ne pas faire des écoles, de ne pas faire des discriminations en disant « ça, c'est bon, ça, c'est pas bon ». En fait, tout ce qu'il faut, c'est effectivement qu'on puisse réfléchir ensemble à ce qu'on aime. Voilà. Voilà, c'est tout juste une petite parenthèse par rapport à la discrimination. Franchement, ce qu'on vit actuellement, les geekeries, moi, il y a 20 ans, voire 30 ans, c'était quelque chose qui était caché, qui était conspué, qui était même en dessous du tapis. Je parle même des films d'horreur, les choses comme ça. Hein. The Thing, c'était très, très mal vu, hein, etc., etc. Bon, bref, je ferme la parenthèse pour vous dire que moi, j'adore tout ça et j'adore justement qu'on puisse en parler. Ah, c'est vrai que les geeks, nous, on a galéré hein, quand on était ados. On a Aurélien Gabarella qui nous dit « J'ai regardé Gotham, la série Gotham en entier, je ne te juge pas. Aurélien, je te fais un gros bisou. Elle était magnifique celle-là. C'est vrai que pareil, moi quand j'ai 34 ans, mais quand j'étais ado, les 15 ans, 14-15 ans, tu lisais Dragon Ball, t'étais un enfant, t'aimais bien Spider-Man, oulala, le demeuré. On en parlait tout à l'heure avec, tu vois, la bibliothèque qui est dans mon salon, ou quand j'ai des gens qui sont pas forcément au courant, ou de la famille éloignée, ou enfin qui viennent et qui voient les trucs dans le salon, le poids du regard est important. Et encore que maintenant, c'est plus dans les mœurs, hein, avec le MCU et tout ça. Te balader maintenant avec un t-shirt Batman, c'est classe. À l'époque, tu passais pour un gros débile mental. Hein, C'est clair. C'était vraiment pas la même époque. Hein. Bah, déjà, il fallait en trouver un t-shirt Batman. C'était pas simple. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée. Mon French Geek aussi. Ouais, merci une fois de plus hein, de m'avoir invité. Et merci de m'avoir permis de partager ce moment avec vous. C'était vraiment très très bien, très sympa. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc, Il y aura un round 8. Alors, on va pas vous dire les invités parce que. Parce qu'on le sait pas encore. Déjà. Et on va pas vous donner la date parce que. On n'est pas sûr non plus. Donc, voilà. Il y aura un dernier round parce qu'on veut conclure ça avec panache et ensuite on repartira sur une ligne un petit peu plus normale. Voilà. Et du coup, bonne soirée à tout le monde, mais bon appétit du coup à French Geek et bon après-midi, non ? Ouais, c'est vrai, bon après-midi. Ouais, bah merci, bonne soirée, bonne nuit les enfants. Hein. Bonne nuit les petits. Bonne raclette, du coup, de soirée raclette pour ce soir. Ouais. Les amis, et un grand merci au chat d'avoir été encore là. Vraiment un grand merci à chacune des personnes qui est passée sur le chat, que ce soit un petit moment ou pour une partie de la soirée ou la totalité. Vraiment, c'est super sympa d'être venu. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt pour un round 8, un round final que l'on espère d'anthologie. À très bientôt, salut! À plus, ciao!